l'introduction du traducteur. On a beaucoup écrit et tourné en Italie autour des années 70. Des années qui sont restées dans l'imaginaire collectif des années de plomb. Expression apocryphe tirée du titre italien d'un film de Margarete von Trotta de 1981, Die Bleierne Zeit, lequel évoquait pourtant des groupes terroristes allemands. Ce raccourci est en fait aisément critiquable. D'une part, le nombre de morts liés aux attentats terroristes et aux meurtres politiques en tout genre, pour élevé qu'il soit, n'a été que de 300 en 10 ans. Voilà de quoi remettre en cause l'idée souvent reprise d'une guerre civile de basse intensité dans un pays, pour donner un exemple, où la criminalité organisée, Cosa Nostra, Camorra, Ndrangheta, Santa Coloma Unita, a fait quelque 2000 victimes durant la première décennie du XXIe siècle. D'autre part, sur ces 300 décès, un tiers sont imputables aux actions des groupes d'extrême gauche, dont les célèbres Brigades Rouges. Un terrorisme qui s'est développé pour l'essentiel en réaction au terrorisme noir, néo-fasciste, dans la seconde moitié des années 70. C'est pourtant cette violence-là, et tout particulièrement l'enlèvement puis le meurtre le 9 mai 1978 du président de la démocratie chrétienne Aldo Moro, qui est devenu le symbole non seulement d'une dérive bien réelle d'une infime minorité de la contestation, mais aussi de manière beaucoup plus surprenante, d'un pourrissement généralisé de la contestation tout entière, voire du climat d'insécurité d'une époque largement amplifié a posteriori. L'événement évoqué par Roberto Scarpetti, l'assassinat pour un mobile obscur à Milan de deux jeunes militants d'extrême gauche par un groupe néofasciste romain, plonge dans cette si riche année 1978. Année de l'enlèvement et de la mort d'Aldo Moro, comme il a été dit précédemment, mais aussi, par exemple, toujours en mai, de la loi sur l'avortement et de celle sur l'ouverture des asiles psychiatriques, la dite loi Basaglia, demeurée unique au monde. Une année de deuil donc, mais aussi, on l'oublie trop souvent, d'accomplissement de quelques rêves obtenus sans violence, avec un magnifique acharnement. L'auteur multiplie les points de vue narratifs sur cette histoire. Un flic de droite et un journaliste de gauche qui cherchent à connaître la vérité, tous deux fidèles cependant à un contexte de légalité et de règles démocratiques, la mère d'une des victimes écrasée de douleur, l'exécutant du meurtre, un jeune homme fasciné par la violence et le sexe, animé de désirs troubles, plus personnels que véritablement politiques, et pour finir, l'une des victimes elle-même, qu'on suit dans son exécution. Le tour de force de Roberto Scarpetti est de parvenir à nous donner une vision kaléidoscopique d'une époque sans jamais se montrer didactique ou psychologisant. Dans cette tragédie moderne, qui tient aussi du film noir, l'auteur est par ailleurs un scénariste de cinéma reconnu, le spectateur découvre une période où se tissent non seulement des rapports d'affrontements armés, mais aussi des enjeux secrets, d'étranges collusions, des intérêts qui, 35 ans plus tard, laissent entrevoir, derrière une police déficiente, un État sans doute plus fort qu'il n'y paraît, pourvu quoi qu'il en soit de talentueux marionnettistes qui ont su rester dans l'ombre jusqu'à nos jours. L'un des personnages remarque à juste titre, comme dit la police, une affaire d'homicide où on la résout dans les 15 premiers jours de l'enquête, où cela devient pratiquement impossible. Une phrase, on l'aura compris, qui dit bien ce qu'ont été et demeurent les si célèbres mystères italiens. On pourra, comme ici, en sentir les mécanismes, mais leur élucidation est aujourd'hui devenue pratiquement impossible. Viva l'Italia, de Roberto Scarpetti, traduit de l'italien par Olivier Favier. Comme Fausto Tinelli et Lorenzo Iannucci, Iaio, le personnage du journaliste Mauro Brutto est bien réel. Ceux du commissaire Salvo Meli et du tueur Giorgio, le seul à ne pas avoir de nom de famille, sont des transpositions partielles de personnes ayant réellement existé. À noter encore que Massimo Calminati, le principal suspect dans l'assassinat de Fausto et Iaio, un néofasciste romain lié à la bande de la Maliana, a été arrêté en décembre 2014 pour son implication dans l'affaire Mafia Capitale, où extrême droite et criminalité organisée sont de nouveau mêlés. Ces deux supposés complices dans l'assassinat de 1978 sont toujours en vie eux aussi. Ils étaient tous les trois âgés de 20 ans, leur victime en avait 19. Angela Iannucci, 43 ans, mère de Iaio. Lorenzo, maintenant ça suffit! Allez, descends. Combien de fois faut-il que je te dise que tu ne dois pas aller là? Tu vas me faire perdre patience. Dépêche-toi, les pâtes vont refroidir. J'ai fait des fettuccini al ragout, celles que tu aimes tant. J'ai cuisiné toute la journée, on n'attend plus que toi. Alors, tu fais quoi? Tu descends, oui ou non? Je ne comprends pas ce qu'il te passe par la tête. Et enlève-moi ce chapeau, faut que je te le dise comment. Coupe-toi les cheveux, on dirait un indien, le carnaval est fini depuis un bon moment. Maintenant, ça suffit. Je m'en vais. Il faut que je m'occupe aussi de Maria. Il faut que je repasse. Je ne vais pas passer la journée ici. Si tu ne veux pas descendre, ne descends pas. Mais dis-moi ce que je dois faire de toi. Lorenzo, dis-le-moi, s'il te plaît. Tu veux que je revienne plus tard? Demain? Parce que je vais revenir. Tu sais que je vais revenir. Je ne te laisse pas ici, moi. Milan, Italie, 1978. Fausto Tinelli, 18 ans, lycéen à Milan. Yayo, comme d'habitude, ne se souvient pas des paroles. On est là, couché sur l'herbe du parc Lampro, et il me regarde pour savoir comment continue la chanson. Il me fait rire quand il fait ça. Et moi, j'en profite un peu. En fait, je le fais poireauter. Je chante une demi-strophe et puis je lui souffle les paroles. Ce que tu peux être crétin, Yayo. Fausto! Gianna! Gianna, Gianna, Gianna sosteneva tesie illusioni. Gianna, Gianna, Gianna prometteva pareti e fiumi. Gianna, Gianna aveva un coccodrillo ed un dottore. Gianna non perdeva neanche un minuto per fare l'amore. Ma la notte la festa è finita e viva la vita. La gente si sveste, comincia un mondo diverso. Ma fatto di sesso chi vivrà vedrà. Dove vai con chi ce l'hai? Vieni qua, ma che vuoi? Dove vai con chi ce l'hai? Puttana, vieni qua, chi la prende e chi la do? Vieni qua, vieni qua che ti chiappo. Ti vuoi, di chi sei, ma che vuoi? Il dottore non c'è mai, non c'è mai, non c'è mai. Non prendi se non dai, vieni qua. Quelle semaine de merde. Heureusement qu'aujourd'hui c'est samedi et que ce soir nous allons au Leon Cavallo. En juin il y a les examens et peut-être que j'étudie trop. Mais ce soir on fait la fête. Ce soir je veux tout oublier. À 9h il y aura un concert de blues. J'ai oublié qui va jouer. Alors que Yayo se tire pour rejoindre Selina, Gino arrête de jouer et Marta sort la note. Tu me le passes, s'il te plaît? Je lui demande. Et elle me jette le journal. Aldo Moro a été enlevé il y a 2 jours. Et ce matin, justement, alors qu'il y avait les funérailles des hommes de l'escorte, on a trouvé un communiqué des Brigades Rouges posé au-dessus d'un photomaton. La transformation dans l'espace européen des États-nations libéraux dépassés en SIM, Stati Imperialisti dei Multinazionali, est un processus en cours aussi dans notre pays. Le SIM, en se restructurant, est amené à jouer le rôle de courroie de transmission. Quelle connerie! C'est comme ça qu'écrivent les Brigades Rouges. Si on n'y était pas habitué, on n'y comprendrait que dalle. Mais derrière tout ça, on sait déjà qu'il se passe un truc énorme. Inimaginable. Autrement dit, c'est l'action. Le changement. La révolution. Mais si la route à prendre n'était pas celle de la lutte armée? Je veux dire, si la révolution pouvait arriver de manière non violente? Si, à la limite, cette société pouvait être transformée à travers l'action de tous les camarades, et pas seulement celle d'un petit groupe armé? Peut-être y a-t-il une autre voie? Pour moi, dit Martha, Il n'y a pas d'alternative à la lutte armée. Je réfléchis à haute voix. Mais la lutte armée nous éloigne des gens, nous éloigne de tout. Le fait est que le capitalisme ne t'offre aucune alternative, soutient Gino. Autrement dit, tout devient institution, propagande, répression. Comme les funérailles de ces quatre pauvres bougres que la démocratie chrétienne n'a pas hésité à transformer en événement national. Si je devais mourir, je voudrais des funérailles avec un drapeau rouge, parce que jusque dans la mort, on peut se rendre utile. Voilà ce que je dis. Le débat est clos, et Gino se remet à jouer de la guitare. Maman ? Maman ? C'est Maria qui m'appelle. On a sonné à la porte et c'est elle qui a ouvert. Je vais dans l'entrée et je la vois devant un nègre. Un homme grand et gros qui me regarde avec deux yeux tout blancs qui ne restent jamais immobiles. Il a peur. Je le comprends tout de suite. Il a peur de quelque chose. Danger, 8 o'clock. Danger, danger. Il répète ça 2 ou 3 fois et moi je ne comprends pas ce qu'il dit. Danger, 8 o'clock. Danger, danger. Je ne parle pas anglais. Et lui, il a une voix si profonde qu'il est difficile de la comprendre quand il parle. Qu'est-ce qu'il a dit, Maria ? Danger, à 8 heures. Il n'arrête pas de répéter ça. Excusez-moi, monsieur, mais qui cherchez-vous ? Vous faites erreur, peut-être. Danger, 8 o'clock. I don't speak Italian. I'm sorry. I'm so sorry. Et il s'en va, en dévalant les escaliers, rapide comme l'éclair. Fausto Tinelli. La nuit est tombée. Quelques lumières s'allument aux fenêtres des grands immeubles autour du parc alors que nous nous en allons tous, peu à peu. Je traverse le Piazza Leo dîner et je ne sais pas quoi faire, façon de dire que je n'ai pas envie de rentrer à la maison. À la limite, je vais directement à la trattoria, je trouverai toujours quelqu'un là-bas pour bavarder un peu. Je passe sous le pont de chemin de fer et j'ai de nouveau la peur paranoïaque d'être piétiné. Je me tourne, mais il n'y a personne. Lundi, à la sortie du lycée, il y avait une Simca blanche qui m'a suivi pendant un petit moment. Puis je l'ai retrouvée en bas de chez moi l'après-midi suivante. Et avant-hier soir aussi, quand je suis allé avec Yayo au Leoncavallo, elle était garée de l'autre côté de la rue. Maintenant, pourtant, il n'y a personne. Voilà, c'est peut-être juste de la paranoïa. Mieux vaut ne pas y penser. Je regarde ma montre. Il est 6h30. Et à cette heure-là, Yayo et Selina doivent être encore au Piazza Duomo. Comme si je ne les connaissais pas. Et moi, je les attends. J'ai l'habitude. Par chance, ici, à la trattoria, il y a Massimo, Danilo et Bruno. Partie de Babyfoot, notre habituel derby inter-Milan, qui nous ramène comme par magie à nos 13 ans quand nous nous donnions des coups dans les tibias à l'oratoire. Yayo arrive, alors qu'il est déjà plus de 7h30. La prochaine fois, je m'en vais, je ne t'attends plus, lui dis-je. Allez, Fausto, essaie d'être un peu plus souple. En fait, quand il fait ça, j'ai juste envie de lui mettre mon poing dans la figure. Mais là, on n'a pas le temps de commencer à se disputer, ma mère nous attend pour dîner. On laisse la trattoria, et depuis la via Leoncavallo, nous prenons la via Lambrate. Yayo est un fleuve en crue. Il est amoureux. Il me l'a dit 1000 fois, pour chaque fille ou presque qu'il a rencontrée. Mais cette fois, c'est différent. En fait, il y a un truc qu'il n'arrive pas à expliquer, et qui fait qu'il se sent bien, et mal en même temps. Et moi je reste là à l'écouter, comme toujours, et si je l'ouvre, c'est juste pour me foutre de lui. Dans la Via del Casoretto, juste derrière l'église, nous saluons le vendeur de journaux qui range les quotidiens avant de fermer. 5 minutes. Dans 5 minutes, nous serons à la maison, nous dînerons avec ma mère, puis nous irons au concert. Yayo reverra Selina, mais Sylvia, elle, ne viendra pas, je le sais déjà. Cela fait 3 semaines que je ne l'ai pas vue, depuis qu'elle s'est mise à fréquenter les drogués du Parco Lambro. T'es chiant, Fausto, tu es pire que mon père, laisse-moi tranquille, elle m'a dit. Mais j'ai peur, trop peur qu'elle aussi ait commencé à se piquer. Je préfère ne pas y penser. Par chance, il y a tous les autres camarades, la musique, les bières, le hash, une soirée sympa, une soirée semblable à beaucoup d'autres passés et à venir, parce qu'au fond, c'est la vie. Les choses changent, ou pas forcément. Mais après, on les oublie. Et on fait ce que nous avons toujours fait. Nous grandissons. Hé ! Oh ! Au coin de la Via Mancinelli, quelqu'un m'appelle. On s'arrête et on voit trois jeunes, face à l'entrée de l'oratoire, celle de derrière, devant les marches où la nuit on s'arrête pour fumer. Eh oh ! Un des trois nous fascine de nous approcher. Qu'est-ce qu'on fait ? Je demande à Yayo. Allons écouter ce qu'il veut nous dire, ils se sont peut-être perdus, qu'il fait. Nous allons à leur rencontre. Les deux premiers portent des imperméables blancs, et le troisième, une veste de cuir marron. Ils ont au maximum 2 ou 3 ans de plus que nous. Alors que nous allons arriver à leur hauteur, l'un des deux, en imperméable blanc, s'approche. « Tu es Fausto Tinelli ?» demande le type à Yayo. « Comment ça se fait qu'il connaît mon nom ?» je me mets à penser en lui répondant. « C'est moi !» lui dis-je. « Un instant. » Puis il tend le bras dans ma direction. Sa main est cachée par un sac plastique blanc. Je ne comprends rien. Puis un coup, soudain, étouffé. Je sens un pincement dans le ventre, quelque chose de chaud qui entre dans mon estomac. Mais je ne ressens aucune douleur. Un autre coup et je suis blessé au bras, puis à la poitrine, puis de nouveau au ventre. Maintenant, je sais ce que je devrais faire. Je devrais me retourner et m'en aller loin d'ici. Je me tourne et je tombe par terre. Alors que je voudrais hurler et dire à Yayo que lui, oui, il a encore le temps de s'enfuir et de courir loin d'ici, mais je n'y parviens pas. Je ne réussis pas à ouvrir la bouche. Je vois seulement que Yayo est épouvanté. Je le vois à ses yeux qu'il a peur. Je sais qu'il pense pendant un instant venir vers moi, mais je secoue la tête par terre, imperceptiblement, et lui, il se tourne et commence à courir. Voilà, oui, Yayo, tire-toi, tire-toi. Tire-toi loin d'ici. Mais le pistolet tire encore et le frappe à la hauteur du thorax, par derrière. Je vois tout. Yayo tombe par terre, les mains contre le trottoir, tombe tête la première sur le bitume et l'autre continue de tirer, 3 autres coups, puis stop, stop. Il est 8h05, la rue est déserte à présent. Ils se sont enfuis. Il y a juste une femme, un peu plus loin, de l'autre côté du trottoir, qui a tout vu. Je la vois surgir de derrière une voiture et regarder vers moi, tandis que sur le bitume, mon sang coule, et celui de Yayo, chair et acier. Ma mère. Prévenez ma mère. Dites-lui que je suis ici, que je l'attends. Maman, viens. Moi, je ne bouge plus d'ici. Je t'attends. Je t'attends ici. Angela Iannucci. C'est l'heure du dîner maintenant. Et tout le monde est rentré. Sauf Lorenzo, qui mange chez Fausto. Je mets le couvert pour 3 et mon mari fume sur le balcon. Il aime bien rester là, tranquille. Même s'il fait froid. Alors que j'égoutte les pâtes, on entend le bruit de nombreuses sirènes. Je me mets à la fenêtre et je vois passer une ambulance et 3 voitures de police qui tournent derrière l'église. Un frisson me descend le long du dos. Maria, quelle heure est-il ? Ma fille attend un instant, puis regarde sa montre. Il est 8h. Et moi, je revois cet homme, ses yeux et sa peur. Je cours vers le téléphone et j'appelle Danila. Allô ? Non, non, ils ne sont pas encore arrivés. Oui, oui, je t'appelle dès qu'ils arrivent, t'inquiète pas. Mais les mots de Danila ne parviennent pas à m'apaiser. De la fenêtre ouverte arrivent des voix, des hurlements. On n'entend plus l'ambulance et les voitures de police, mais elles doivent s'être arrêtées près d'ici parce que les sirènes se sont tues soudain. Je me mets de nouveau à la fenêtre et je vois des gens courir vers l'église, comme s'ils voulaient aller voir qui sait quoi. Je n'enlève même pas mon tablier. J'ouvre la porte d'entrée et je descends. Maman, mais où vas-tu ? Ma fille et mon mari courent derrière moi, ils m'appellent, mais moi je ne les entends pas du tout. En cet instant, pour moi, personne n'existe. Dans la rue, il y a beaucoup de gens. Les uns sortent de chez eux, d'autres se penchent aux fenêtres. D'autres encore courent voir ce qu'il se passe derrière Santa Maria Bianca. Et moi, je cours aussi, en suivant la foule. Je fais le tour de l'église et je vois les lumières des sirènes, rouges et bleues, qui surgissent comme des éclairs de la Via Mancinelli. Je cours plus vite, le plus vite que je peux. J'ai peur, mais la course m'aide à ne pas penser. Il n'est rien arrivé de grave, rien de grave, rien de grave. Il n'est rien arrivé, il n'est rien arrivé. Rien, rien. Puis je le vois. Enfin, c'est lui qui me voit. Tiziano, le garçon qui travaille avec mon mari. Angela, me dit-il alors qu'il vient à ma rencontre et qu'il tend la main vers moi. J'accélère encore et j'essaie de l'esquiver, mais il se jette sur moi et m'arrête. Angela, attends, attends. Il me prend dans ses bras, il me serre très fort. N'y va pas, je t'en prie, n'y va pas. Et moi, je comprends. Je hurle. Je tombe. Et je m'agrippe à la terre et je salis mon tablier. Maria et mon mari arrivent, je ferme les yeux et je pense seulement 8 o'clock. 8 o'clock. 8 o'clock. Radio Popolare, il est 21h17. Nous interrompons nos programmes pour une information qui vient de nous parvenir. Fausto Tinelli et Lorenzo Iannucci, deux jeunes de 19 ans, ont été tués ce soir via Mancinelli, derrière le squat Leoncavallo où avait lieu un concert de blues. Les deux camarades ont été suivis par trois individus et ont été tués à coups de pistolet. Fausto Tinelli a été transféré à l'hôpital, mais il est mort durant le transport. Mauro Brutto, 32 ans, chroniqueur à l'Unità, rédaction milanaise. Je pousse. Je me glisse parmi les corps. J'ai du mal à avancer. C'est samedi soir et cette rue sombre et froide pourrait être une discothèque, éclairée par les lumières rouges et bleues des sirènes. La musique, ce sont les cœurs de ces jeunes, les slogans criés à gorge déployée, la colère qui se transforme en une émotion incontrôlable, en larmes, en hurlements. Je pousse encore, un pas après l'autre, un corps après l'autre. J'ai réussi à progresser lentement jusqu'à voir le commissaire Salvo Melli, ses collègues de la Digos, les hommes de la police scientifique. Je montre ma carte et un agent me fait passer le cordon de police. Je laisse la foule derrière moi. Je ne parviens plus à bouger. L'asphalte est recouvert de sang, sombre et brillant. Le flash d'un photographe me ramène à la réalité, à cette nuit, à ici, à la Via Mancinelli. Je vois d'autres de mes collègues, du Corriere, de Paese Sera, du Quotidiano dei Lavoratori, et je vois l'ambulance qui ne réussit pas à passer, bloquée par cet océan de personnes, tandis que les policiers essaient de se frayer un passage en poussant les jeunes vers les trottoirs. Les cris deviennent plus forts, plus violents. Les bouteilles volent contre les policiers, contre les voitures des forces de l'ordre, tandis que l'ambulance progresse au pas, mètre après mètre, vers la Via del Casoretto. Nous restons seuls, policiers et journalistes, et tout devient irréel, immobile. La violence est encore palpable dans l'air. C'est comme si tout s'était bloqué l'instant suivant l'homicide. Puis je vois quelque chose qui brille par terre, à côté du trottoir, un objet métallique qui reflète les lumières de la police à quelques mètres de distance de là où sont tombés les corps. Je m'approche pour mieux voir, et je m'apprête à le prendre. Mais je m'arrête d'un coup et j'appelle le commissaire Melli. Il s'approche de moi et je lui fais voir la pièce à conviction. Melli sort de sa poche un mouchoir, se penche et saisit l'objet sans le toucher avec ses mains. C'est une balle. Cela aurait pu arriver à ma fille. Salvo Melli, 44 ans, sicilien, commissaire de la Digos à Milan. Les victimes sont Iannucci Lorenzo, dit Iaio, 18 ans, né à Telese, et Tinelli Fausto, 18 ans, né à Trente. Sur le lieu du crime, la police... Je vois tellement de cadavres, tant de sang versé presque chaque jour que je m'y suis habitué. Une balle a déjà été retrouvée. D'après ce qui a été établi, il s'agirait d'un règlement de compte. Mais deux jeunes qui meurent... au trafic de drogue. Les je victimes, ne peux pas en effet, faire. Connaissaient les trois tueurs. Le fait a été confirmé par un témoin qui a assisté à un échange verbal entre les cinq personnes juste avant les coups de feu. Cela aurait pu arriver à Sabrina. Voilà ce que je pense alors que le commissaire divisionnaire Grandini continue de parler devant Mauro Brutto et ses quatre autres collègues qui, à minuit passé, sont encore ici au commissariat à poser des questions. Mais moi, maintenant, je n'écoute presque plus. Sabrina a l'âge de Iannucci et Tinelli. Elle a été au Leoncavallo, je le sais, même si je ne devrais pas le savoir. Ma femme me l'a dit, comme un secret, parce que Sabrina a peur que je le sache. C'est un endroit pour les jeunes, m'a dit Mara. Ils font rien de méchant, même s'ils sont de gauche. Il y a des concerts, un peu de bière. Il faut que tu la comprennes, tous ses amis y vont. Et je la comprends, moi. Je veux dire, non, je ne la comprends pas. Mais je ne lui ai rien dit, j'ai fait semblant de ne pas le savoir et j'ai accepté que cela reste une chose comme il y en a entre mère et fille. Cette nuit, pourtant, avec ces jeunes morts sur l'asphalte, avec tout ce sang et ces gens qui hurlaient... Non, je préfère ne pas y penser. Cela aurait pu arriver à Sabrina. Mauro Brutto. À quelques centaines de mètres du lieu du meurtre, via Andrea Costa, quelques jeunes qui appelaient d'une cabine téléphonique ont remarqué une moto de grosse cylindrée avec deux personnes qui avançaient en zigzagant dans la circulation. Quand la moto a croisé une voiture de police secours qui arrivait, la personne assise à l'arrière a jeté un objet métallique. C'était un pistolet encore chargé, un 9 mm dont tous les marquages avaient été effacés. Jusqu'ici, c'est le seul élément à disposition des enquêteurs. Pour le reste, le commissariat se limite aux déclarations d'usage quand il ne sait pas de quel côté poursuivre l'enquête. Mais si les deux jeunes avaient des casiers judiciaires vierges, comment peuvent-ils avoir été victimes d'un crime de droit commun ? Qui pouvait vouloir leur mort au point d'organiser un véritable carnage ? S'ils avaient fait un mauvais coup à un petit dealer, les tueurs ne se seraient-ils pas contentés de leur filer la frousse ou de leur tirer dans les jambes ? Cela ressemble à un assassinat organisé par des professionnels, pas à une affaire de petite délinquance. Mélie, pour l'amour de Dieu, ne faites pas inutilement l'alarmiste, calmons le jeu. Comment je dois vous le dire ? Il y a déjà assez de tensions comme ça, vous le savez mieux que moi. Je me trompe ? Regarde-le comme il sourit, le salopard. Regarde-le sur toutes ses photos en exposition sur le bureau, en train de poser à côté du chef de la police. T'y comprends que dalle, Grandini. T'es juste une pipelette. Mais toutes ces photos te donnent de l'importance, hein ? Elles te font te sentir puissant. Vous voyez, monsieur, j'essaie de lui faire comprendre, les arrestations effectuées jusqu'ici n'ont rien donné, et la dynamique du crime permet de supposer que son origine est probablement de nature politique. Mélie. C'est vous qui menez l'enquête, alors essayez pour une fois de vous sentir libre de faire ce que vous croyez bon de faire. Crime politique, subversion de droite, petite criminalité, deal de drogue, allez dans toutes les directions. Mais faites attention. Et souvenez-vous d'une chose, pour nous, c'est, et cela reste, un double crime qui a pour origine le trafic de stupéfiants. Pas un seul mot ne doit filtrer à la presse sur votre piste politique. C'est clair ? Voilà qu'il me menace maintenant. Mais je voudrais bien voir si c'était ses enfants. Mauro. Nous sommes dimanche soir, et quand nous sortons de la réunion de section, Milan ressemble à une ville fantôme. Sombre, froide et déserte. Je la regarde et je ne la reconnais pas. Ce n'est plus ma ville. On dirait un endroit sans vie. Milan fait peur. Pourtant, nous avons porté un toast. Ce soir, Barbara et moi, nous avons dit aux camarades du parti que nous allons nous marier. Un beau moment. Avec tous les sales trucs qui se passent, avec la tension politique de ces derniers jours, avec la mort de personnes innocentes et l'enlèvement d'Aldo Moro, nous avons au moins fini la réunion dans la joie. Et maintenant, sur ce trottoir désert, notre joie aussi s'écroule. Nous sommes encore secoués par ce qui s'est passé hier. Comment est-ce possible ? Comment est-il possible qu'en Italie, on puisse mourir comme ça ? Barbara dit qu'il aurait pu nous arriver un truc dans ce genre-là. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Et nous pensons à ça, nous aussi. Une pensée dite à voix haute à laquelle on ne peut rien ajouter. Nous fumons dans le froid, en silence. Telle est la peur subtile, latente, qui s'insinue chez quiconque fait de la politique. En moi, chez mes camarades, chez les jeunes du mouvement. C'est ça la stratégie de la tension ? C'est comme ça qu'elle marche ? Le message qui passe est toujours le même. Tu es communiste, tu meurs. Tu fais de la politique, tu meurs. Barbara propose d'aller à Casoretto, et son idée fait écho à la pensée de tous. Nous arrivons via Mancinelli à 9h. Comme le reste de la ville, Casoretto est désert et silencieux. Et pourtant, quand nous descendons de voiture, nous voyons qu'il y a encore quelqu'un dans la rue. Des jeunes venus apporter un bouquet de fleurs. Ils le déposent sur beaucoup d'autres fleurs à côté du trottoir, là où sont morts Fausto et Iaio. Nous les rejoignons et nous nous arrêtons près d'eux. C'est tellement différent d'hier soir. Ça semble absurde que cela ait pu se passer ici. Toute cette tension, la peur, l'angoisse qu'on ressentait hier, tout a disparu maintenant. Comme si maintenant la Villa Mancinelli ne s'appelait plus comme ça et n'était même plus à Milan. Nous fixons l'asphalte en silence, sans nous regarder. Je lève la tête et je regarde la Villa Mancinelli. Cette rue est longue et n'en croise aucune autre. Elle commence là-bas, à la Via Leoncavallo, et elle finit à l'angle avec la Via del Casoretto, là où il y a le kiosque du marchand de journaux qui a été le dernier à voir Fausto et Yayo en vie. Entre les deux, il n'y a rien. Rien du tout. Seulement l'arrière de l'oratoire, le long mur du dépôt des bus, un atelier, là-bas il y a un garage, et puis l'entrée secondaire du Leoncavallo. Il n'y a des réverbères que d'un seul côté, celui du dépôt des bus. L'autre trottoir est presque plongé dans le noir. Une rue déserte et sans échappatoire possible. Ça ressemble à un piège. On les attendait et on savait qu'ils passeraient ici. Fausto et Yayo sont tombés dans un piège. Oui, Yayo et Fausto collaboraient à notre enquête. Paolo Sacchi est assis face à moi dans le Leoncavallo désert. Il est 9h et c'est la première fois que je mets un pied ici. Qui sait pourquoi, mais cet endroit, je me l'imaginais différemment. Je me l'imaginais plus comme une discothèque. En fait, on dirait presque un entrepôt, où tout est un peu bricolé. Le comptoir du bar, les chaises, l'éclairage. Là-bas, au fond, il y a quelqu'un qui met en place les instruments. Je me retourne et derrière moi, il y a Touri, en uniforme comme toujours. Je commence à rire à cause de ces deux-là qui essaient de passer pour des durs. Mais on voit bien qu'ici, ça ne prend pas. Eux, ils n'ont aucun rapport avec cet endroit. « Depuis quand Tinelli et Iannucci collaboraient avec vous ?» je demande à Sacchi. Il est rapide dans ses réponses. Un gamin sûr de lui qui se souvient des choses et qui n'a pas de temps à perdre à réfléchir. Il a de la mémoire celui-ci, ça se voit tout de suite. « Depuis le début. Depuis 2 ou 3 mois. » me dit-il. Et il continue sans que je lui demande rien. « Nous avons commencé parce que nous devions faire quelque chose pour ce quartier. Il y a trop de merde à Casoretto. Trop de jeunes qui n'en foutent pas une et personne pour s'en occuper. Nous faisons ce que vous devriez faire, vous. » me fait-il. Et moi, je pense que peut-être il a raison. Et que peut-être il devrait être policier, celui-là. Parce que même s'il est mal foutu, c'est lui qui commande. Et qu'il serait peut-être mieux que tant d'autres policiers que je connais. Mieux même que Grasso et Touri, qui sont pourtant de bons gars. Bon, on fera jamais un flic d'un type comme ça. Un type comme ça, les flics, ça le dégoûte. Mais voilà qu'une vague idée me traverse l'esprit. Une question à laquelle il vaut mieux ne pas répondre maintenant. Et si la drogue contre laquelle se bat Paolo Sacchi circulait ici aussi? Soudain, je m'imagine tous ces gamins qui dansent ensemble sur ce rock qu'ils aiment tellement, même s'ils n'entendent plus quand ils se parlent. Ils dansent, et j'ai l'impression qu'ils sont tous camés. Au milieu de ce vacarme, je vois aussi Sabrina. Et alors je préfère ne plus rien imaginer du tout. Je me remets à regarder Sacchi Paolo, 24 ans, né à Milan, profession chômeur. De quoi il s'occupait précisément, Tinelli Iannucci? Il recueillait les données des pharmacies. Il faisait le tour du quartier pour relever le nombre de seringues vendues chaque semaine. Puis nous, ces données, on les confrontait avec celles des médicaments en intraveineuse. Les seringues en plus sont des seringues pour la drogue. Et comme ça, vous vous faites une idée du nombre de drogués? Bien sûr, mais seulement de manière approximative. Il faut toujours penser qu'il se passe la même seringue, qu'il l'utilise plusieurs fois. En plus des pharmacies, il s'occupait d'autre chose? Il n'entrait jamais en contact avec les dealers ou les drogués? Non, jamais. Fausto et Yayo s'occupaient seulement des seringues. Quelqu'un l'appelle du fond de la salle. Je lui donne congé en lui disant que je n'ai pas d'autres questions. Sacchi se lève, me tend une main que je serre, mais il ne lâche pas prise. La poignée de main d'un garçon qui n'a pas peur, ça ne m'arrive pas souvent. En général, les mains que je serre sont moites, nerveuses et molles. Vous savez, commissaire, si on fait un tour dans les bons endroits, dans quelques bars, au parc, les dealers... On les reconnaît tout de suite. Et vous savez ce qu'on découvre? Qu'ils sont tous fascistes. Me fait-il en me regardant droit dans les yeux. Même si la drogue avait quelque chose à voir là-dedans, ça reste un crime politique. parce qu'hier, on était ensemble. On s'amusait ensemble avec d'autres camarades. On se baladait. Et puis, on a été dans le même collège et le même lycée en première année. Puis, il en a eu marre. Il n'est que 9h30 et il me semble que Milan est une ville qui vient de subir un bombardement, sous couvre-feu. Comme c'est étrange. Je ne parviendrai jamais à m'habituer à Milan. Ça fait 20 ans que je suis ici, mais ça ne sera jamais chez moi. Merde ! J'ai oublié d'aller chercher Sabrina. Elle avait son entraînement de basket et Mara a de la fièvre, il y a une épidémie de grippe. Je mets la sirène et je file, peut-être que je peux encore arriver à temps. Quand est-ce que j'ai emmené ma fille en voiture pour la dernière fois ? Je ne m'en souviens pas. Quand j'arrive au gymnase, je trouve tout fermé. Il n'y a personne et Sabrina ne m'a pas attendu. Je reviens vers chez moi. Je passe à côté d'une pharmacie de nuit, la seule lumière allumée dans la rue. Et je repense à ce que m'a dit Paolo Sacchi. Mais si ces deux jeunes se contentaient de demander au pharmacien le nombre de seringues qu'ils vendaient, comment une enquête aussi banale pouvait-elle être en rapport avec un double meurtre ? En attendant, me voici en bas de chez moi, en train de faire deux fois le tour de l'immeuble, comme d'habitude. Il faut faire attention, on ne plaisante pas avec ces trucs-là. C'est un travail de merde. Une fausse promotion, un poste de commandement et de coordination, mais un poste dont personne ne voulait et qu'on m'a refilé. Un poste qui, dans le Nord, par les temps qui courent, pourrait m'expédier chez le Créateur. Avant de dire à Mara qu'il m'avait muté à la Digos, j'ai attendu 4 mois. Je ne savais pas comment lui dire, comment elle le prendrait. Elle n'a pas réagi au début. Elle m'a regardé, s'est retournée, et elle a seulement dit « Si ça te va à toi, ça me va. » Mais je savais qu'elle avait très peur. Moi non, je n'ai pas peur. Mais je fais quand même attention. Mauro Brutto. 12 heures après les faits de la Via Mancinelli, la police tâtonne... Non, pitié, non. En parlant avec les enquêteurs 12 heures après les faits, on a la sensation que l'enquête avance difficilement. Le genre de situation où la phrase de circonstance « aucune piste n'est exclue par les enquêteurs » semble trahir une profonde incertitude. Et aussi une certaine volonté de minimiser ce qui s'est passé. Pour commencer, la police n'est pas encore en mesure de déterminer le calibre de la balle retrouvée via Mancinelli. Jusqu'à hier soir, il semblait s'agir d'un 38 spécial. Le problème, c'est que pour la police scientifique, il s'agit au contraire d'un 7,65, un calibre de pistolet automatique. Mais sur le lieu de l'homicide, aucune douille n'a été retrouvée. Pour y voir plus clair, je vais chez le commissaire Melli, qui m'accueille en me demandant ce qu'il peut faire pour moi. Et je lui dis que j'ai une requête un peu particulière. Je voudrais savoir s'il est possible de lire la déposition du témoin de la Via Mancinelli. Il me regarde fixement pendant un instant comme si j'étais un hérétique, comme si j'avais dit une énormité. J'en suis presque à lui dire « faites comme si je n'avais rien dit » à me lever et le remercier pour tout. Quand Melli se lève de son bureau, ferme la porte et se retourne de nouveau vers moi, l'air sérieux. Il me dit que je ne peux rien écrire de ce qu'il va me dire, ou plutôt, mieux encore, que je dois faire comme si aujourd'hui je n'avais pas mis les pieds ici. Puis il revient à son bureau et va chercher un dossier. Trois jeunes sont debout sur le trottoir, ils se trouvent à 5-6 mètres de moi. Au même moment, un autre jeune est légèrement plié et appuie sur son estomac avec les deux mains. J'entends 3 coups amortis, qui au début font penser à des pétards, de sorte que je pense que ce groupe de personnes est en train de s'amuser. Je remarque que le jeune avec l'imperméable a un sac qui semble en cellophane blanc à la main. Je crois voir qu'il l'a dirigé vers le garçon et qu'il a mis ses deux mains dans le sac et tire vers Iannucci. Je n'ai pas vu d'autre sac entre les mains des deux jeunes et je n'ai vu aucun d'eux avoir une attitude qui pourrait être celle d'un tireur. Un sac plastique blanc pointé sur Yayo. Je réfléchis. Un sac plastique blanc, comme s'il y avait un pistolet et les mains du tueur dans le sac plastique. L'arme est là-dedans. Mais pourquoi tirer dans un sac plastique? Un sac plastique ne peut servir de silencieux. Mais le sac plastique pouvait servir à recueillir les douilles. Voilà, ils ont tiré avec le pistolet dans un sac plastique de manière à ce que les douilles ne tombent pas par terre et qu'ils puissent les emmener, sans laisser de preuves. Sorti du commissariat, je rentre dans une cabine pour appeler le journal et ils me préviennent qu'une dépêche de l'Agencia Nazionale Estampa Associata est arrivée. Le meurtre de Fausto et Yayo a été revendiqué et le tract de revendication a été trouvé à Rome. À Rome ? Giorgio, 20 ans, néofasciste de Rome. Samedi 18 mars, une de nos brigades armées de Milan a exécuté les serviteurs du système Tinelli Fausto et Iannucci Lorenzo. Par ce geste, nous voulons venger la mort de tous nos frères assassinés par les instruments de la réaction et de la subversion. Nous ne croyons pas dans la lutte communiste contre l'État, car toutes les forces de gauche ayant la même mentalité que ce système, elles ne sont rien d'autre que les serviteurs de ce régime. Voilà pourquoi la seule force vraiment révolutionnaire est représentée par l'extrême droite. Les subversifs doivent savoir qu'ils ne réussiront pas à nous éliminer. Dès maintenant, nous commencerons à agir et rien ne pourra nous arrêter. Nous sommes fatigués de pleurer nos frères. Falvella, Ramelli, Zicchieri, Mantacas, Chiavatta, Bigonzetti, Recchioni marchent dans nos rangs et ils crient vengeance. Vive la révolution fasciste, mort au système et à ses serviteurs, honneur à nos frères assassinés par le Front Rouge et par la réaction. Armée nationale révolutionnaire, brigade combattante Franco Anselmi. Mauro. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que l'armée nationale révolutionnaire ? Pourquoi la revendication arrive de Rome et que signifie notre brigade armée de Milan ? Si la brigade est d'ici, pourquoi n'a-t-elle pas revendiqué elle-même l'assassinat ? Les types de l'armée nationale révolutionnaire ont été capables de tendre un guet-apens. Ce ne sont pas des jeunes qui jouent à la guerre, ce sont des professionnels. Mais qui les a formés ? Qui les a armés ? Et surtout, qui est Franco Anselmi ? Je cherche dans les archives du journal et je trouve une dépêche. Elle est récente, du 7 mars, et elle vient de Rome, comme la revendication. Une attaque d'un commando fasciste dans une armurerie capitale pour se fondre en plus de l'Est, tragiquement. Un des terroristes a été tué par la mine d'un grand voleur à la nuque qui s'enlevait avec ses complices. Il s'appelait Franco Anselmi. Il avait 22 ans, il étudiait le droit à l'université de Sienne. Depuis de nombreuses années, il fréquentait les milieux des activistes fascistes romains. Quel est le rapport de l'extrême droite romaine à Casoretto ? Quel est le rapport entre Franco Anselmi, Fausto et Yayo ? Arrêtez de déranger les collègues de Rome ! Avec tout ce qui est en train de se passer là-bas. Grandini, en plus de me traiter de tocard, se met aussi à faire des commentaires sur ma manière de mener l'enquête. Pour lui, il n'est même pas pensable d'appeler la préfecture de Rome pour cette histoire de revendication. Comme si Rome et Milan étaient dans deux pays différents et que ce qui se passe dans une ville ne pouvait en rien concerner l'autre. J'objecte, mais vous m'avez dit de ne laisser tomber aucune piste. Écoutez, commissaire, à Rome, vu ce qui se passe avec Aldo Moro, ils ont d'autres chats à fouetter. Si vraiment vous voulez suivre cette piste du crime politique, concentrez-vous sur le monde de la droite milanaise. Parce que Rome n'a rien à voir là-dedans. C'est moi qui vous le dis. Giorgio. Nous sommes ici depuis une demi-heure, dans cette ville de merde, dans un quartier de communistes de merde, et il fait un froid de malade. Je le sens traverser mon jean sous l'imperméable. J'ai le nez qui coule et je n'ai pas pris de mouchoir. Je m'essuie de la main. Maurizio n'aime pas Milan non plus. Même s'il est né ici. Je sais qu'il ne l'aime pas, même s'il ne dit rien. Je le vois rester là, à l'angle de la Via Leoncavallo, à voir ce qu'il fait, s'il sort de ce restaurant. Ça fait maintenant une semaine qu'il le suit. Pendant que nous attendons, Fabien et moi, nous sommes adossés au mur et nous fumons. Nous fumons cigarette sur cigarette. Je n'ai jamais vu Fabio comme ça. Lui, c'est quelqu'un qui parle tout le temps, il dit toujours un tas de conneries, mais il fait rire. C'est un fasciste sérieux, un vrai, quelqu'un en qui tu peux avoir confiance, mais c'est aussi un trou du cul. Et pourtant, ce soir, j'ai l'impression que c'est un philosophe. Muet comme une carpe, adossé au mur avec sa veste en cuir, à fumer comme un étranger. Un de ces Français qu'on voit dans les films en noir et blanc. Qu'est-ce qui me passe par la tête, putain? Bien sûr, ça lui plairait d'être français à Fabio. Mais bon, il est de la Balduina, comme moi. Il me suffit de le regarder pour comprendre à quoi il pense. On a grandi ensemble avec Fabione, depuis tout petit, quand il n'était pas encore Fabione, mais que nous allions nous bagarrer avec ceux des lycées. Tous ces fils à papa qui sont devenus communistes parce que c'était la mode, et qui, si on creuse un peu, ont tous un grand-père fasciste. Mais pas fasciste par intérêt, fasciste sérieux. L'autre jour, au Fungo, à Rome, quand Valerio m'a dit que je partais moi aussi, je n'ai pas voulu y croire. Valerio et Cristiano ont confiance en moi. J'ai carrément failli lui sauter dans les bras. Mais je me suis retenu. Il me regardait sérieusement, avec ce regard qui entre directement en toi, te pénètre le cerveau comme s'il réussissait à comprendre ce que tu penses. Puis il a commencé à me dire un tas de trucs, mais moi je ne l'écoutais pas. J'étais trop heureux pour y croire. Quand je suis parti, moi aussi, je n'avais toujours pas réalisé. Oh, mais tu écoutes ce que je te dis ? Il m'a fait en me dévisageant. Tu déconnes pas, hein ? Parce que ça, c'est une vengeance. Moi, j'ai rien dit, même si ça m'a semblé bizarre. Pourquoi on ne bute pas quelqu'un ici à Rome ? Je voulais lui demander s'il faut une vengeance. Ça serait plus facile. Pourtant, pour finir, je l'ai bouclé. Ce soir-là, je suis allé à la maison de Laura. Ses parents n'étaient pas là et nous avons baisé sur le canapé toute la nuit. Elle me regardait comme une gazelle étonnée qui se retrouve avec un lion sur son cou et qui pense « Putain, comment il a fait celui-là pour arriver jusqu'ici ?»« Mais qu'est-ce qui te prend ?» m'a-t-elle demandé pendant que je fumais une cigarette. J'ai tiré une latte et je l'ai regardée. « T'es bizarre ce soir, je le vois dans tes yeux. » Moi, je n'ai rien dit et je l'ai baisé une autre fois. Et puis encore, encore et encore, jusqu'à l'aube. Des fois, je pense que je suis peut-être tombé amoureux pour de vrai. Ou alors c'est elle qui aime trop la bite. Ensuite, la nuit dernière, dans le train, je n'ai fait que dormir, appuyé sur l'épaule de Fabione. Je ne pensais pas à ce que je venais faire ici, c'était comme partir pour un voyage scolaire. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez encore ? Mon fils est à l'hôpital et vous êtes déjà venu hier. La mère de Bortoluzzi Giuseppe et Bortoluzzi Mario protestent, alors que nous entrons chez elle avec un mandat d'arrêt. Regardez ! Et elle essaie d'arrêter mes hommes. Regardez ce que vous avez fait ! En effet, tout est encore sans dessus-dessous. Tiroir ouvert et renversé sur les tables, armoire vidée, matelas jeté par terre. Et j'essaie de calmer la femme et je l'emmène dans la cuisine, pendant que les agents jettent un coup d'œil alentour. Madame... Calmez-vous, vous me racontez ce qui s'est passé. Et elle attaque, sans parvenir à retenir ses larmes. Hier, Mario a eu un accident de moto avec un de ses amis, Antonio Mingola. Votre fils va bien, je lui demande. Et je perçois encore toute son angoisse maternelle. Elle s'assoit et pendant un instant, elle paraît se calmer. Elle respire profondément. Il est à l'hôpital. Il s'est cassé une jambe. Aux urgences, ils ont trouvé sur lui un calibre 44, sans port d'armes. C'est pour ça que les carabiniers sont intervenus. Ils l'ont placé en état d'arrestation et ont procédé à une perquisition de son logement. Ils ont trouvé quelque chose ? Je sais pas. Ils ont emmené des papiers, deux grosses boîtes, mais je sais pas. Ce sont les affaires de mes fils, j'y mets pas mon nez. Les carabiniers sont déjà venus ici. Et nous ne savons rien. Les enquêtes en Italie sont toujours doubles, triples, quadruples. Et chacun fait la sienne pour son propre compte. Pour savoir ce qu'ils ont saisi, il faudra que je lise les journaux. En effet, la nouvelle sort dans l'Unita, un papier signé Mauro Brutto. Chez les Bortoluzzi, on a saisi trois armes blanches, une barre de fer, un drapeau du Troisième Reich, un exemplaire de Mein Kampf dans une traduction italienne... Un stock de munitions et deux armes à feu. Un 6.35 et un 7.65. Le même calibre que la balle qui a été retrouvée via Mancinelli. Écoute, moi je me souviens quand ils croisaient Paola et qu'ils s'embrassaient. Vraiment, je m'en souviens seulement comme ça et c'est tout. Mauro Brutto. Barbara s'est énervée. Elle m'a raccroché au nez. Quand nous devons aller dîner chez ses parents, j'oublie toujours. J'ai pensé tout annuler et me précipiter chez elle, mais finalement, je suis venu ici. Voilà à quoi je pense, alors que je sonne à la porte des Tinelli, et que Danila, la mère de Fausto, vient m'ouvrir. Elle me fait entrer. Elle ne m'a jamais vu, mais au téléphone, elle m'a dit que je pouvais passer. Elle ne parvient pas à comprendre comment cela a pu se produire. Pourquoi ? Pourquoi mon fils ? Pourquoi Yayo ? C'était de braves garçons qui ne faisaient de mal à personne. Puis elle prend un carnet, le journal intime de Fausto, ouvre une page et me montre un dessin. C'est le portrait d'une jeune fille, simple, fait au stylo. C'est Fausto qui l'a fait. C'est Cinzia, sa petite amie. Ces derniers temps, il se passait des trucs bizarres. Je lui demande à quoi elle fait référence. Les journées précédant sa mort, le téléphone sonnait souvent et quand je répondais, il y avait quelqu'un au bout du fil qui écoutait pendant quelques secondes sans rien dire et puis qui raccrochait. Deux jours avant l'homicide, une jeune femme a sonné à la porte. Danila a ouvert et elle s'est retrouvée devant cette jeune femme qui, à la manière dont elle parlait, semblait venir de Rome. Elle a commencé à poser beaucoup de questions sur Fausto. Elle disait qu'elle était une amie à lui, mais qu'elle avait perdu contact. J'avais pourtant l'impression que cette jeune femme voulait seulement se mêler des affaires de mon fils. J'ai donc dit que j'avais une casserole sur le feu, je me suis débarrassée d'elle et j'ai refermé la porte. Quand le soir elle a tout raconté à Fausto, lui demandant s'il connaissait une jeune femme de Rome, il lui a dit qu'il ne connaissait personne de Rome. Mais il lui a aussi confié que depuis quelques jours il avait l'impression d'être suivi. À l'occasion des funérailles des jeunes Iannucci et Tinelli, la Fédération syndicale unitaire invite tous les travailleurs à y prendre part. Dans le but d'assurer la présence des citoyens et des travailleurs, la Fédération décidera en fonction du jour et de l'heure des modalités relatives aux arrêts de travail. L'éterno riposo dona loro, Signore. Angela Iannucci. J'ai mal à la tête et je n'arrive à penser à rien. Quelle heure est-il ? On dirait le cœur de la nuit, mais je sais que c'est faux. Dehors, il y a du soleil. Comment peut-il y avoir du soleil ? Toute cette lumière qui entre par les baies vitrées. C'est trop violent pour moi. Je ferme les yeux et soudain, je le vois. Ciao, mon amour. Où vas-tu ? Viens ici, allez. Que je te prenne dans mes bras. Non. Non. Je rouvre les yeux et le père Perego est devant moi, debout, devant l'autel. Et il parle, mais moi je ne l'entends pas. Je suis ailleurs. C'est que je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai vu Lorenzo. C'était samedi dernier, ça je sais. C'était après le déjeuner et il est sorti. Mais je ne me souviens plus de ce qu'il a fait. S'il m'a salué avec un baiser ou si je lui ai dit « ciao » pendant que je faisais la vaisselle sans même me retourner. Je ne me souviens pas de comment il était habillé. Si je lui ai fait du café, s'il a dormi après le repas. Je me souviens de la dernière fois où je l'ai regardé dans les yeux. Mais qu'est-ce que nous nous sommes dit ? Rien. Rien, peut-être. Il est juste sorti, comme ça. Derrière moi, quelqu'un hurle qu'il n'oubliera jamais. Je me retourne et je ne parviens pas à voir qui c'est. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui pleurent. Il y a tout le quartier. Il y a ceux du squat, les camarades de classe de Fausto, les vieux camarades de mon fils. Les ouvriers de l'Innocente. Il y a tellement de monde qu'on ne peut plus entrer. Pourquoi y a-t-il tous ces gens ? Qu'est-ce qu'ils veulent de nous ? Pourquoi ils me regardent tous comme ça ? Ils me regardent et ils jugent. Moi, je ne peux pas rester ici. Je dois m'en aller. Je me lève d'un coup. Angela, qu'est-ce que tu fais ? Mon mari essaie de me prendre la main. Je sens ses doigts qui effleurent ma peau, mais je ne m'arrête pas. Je marche dans la nef, vers le fond. Les gens me voient, me reconnaissent et s'écartent comme si j'étais malade, comme si je pouvais leur refiler une grave maladie. Une dame, comme je passe devant elle, me pose une fleur dans la main. Une fleur blanche que je prends sans y penser. Quand je sors, le soleil est si fort que durant un instant, je ne peux plus rien voir. Je rouvre les yeux. Tout doucement. La place est si pleine qu'on pourrait croire qu'il y a une manifestation. Oui, une de celles organisées par l'école où vont aussi Maria et Lorenzo. Allez-vous-en. Que faites-vous ici? Il vaut mieux que vous rentriez chez vous, que vous vous occupiez de vos affaires. Vous, mon fils, vous ne le connaissez pas. Vous voyez ce qui se passe quand on pense à la politique? Je lui avais dit à Maria qu'il valait mieux ne pas aller au Leoncavallo. Les cloches sonnent, lentes, lentes, arrêtant tout, le soleil, les drapeaux, les bruits, mes pensées. Je baisse les yeux et je vois la fleur blanche. C'est une rose. Commissaire, il n'y a plus rien? Me dit Tourri en entrant dans mon bureau avec un air de victime. Comment rien? Je lui demande. Oui, tout a disparu. Renchérit-il en baissant les yeux. En bas, aux archives, il n'y a plus les effets personnels de Fausto Tinelli. Et sur le fichier, il semble que tout a été rendu. Tout a été rendu. Je réfléchis. Et pourtant, Danila Tinelli dit qu'elle n'a jamais reçu les effets personnels de son fils. Hier soir, Danila Tinelli a appelé le commissariat et elle a demandé à parler avec moi parce que quelqu'un était entré dans son appartement. C'est comme ça que je suis allé via Montelevoso avec deux agents d'intervention. Danila Tinelli m'a dit qu'elle était allée à Trente pour enterrer Fausto et que, rentrée chez elle, elle avait trouvé tout sans dessus-dessous. Tandis que Tourri et moi essayions de la calmer et de prendre sa plainte, les autres agents relevaient les empreintes. Et à la fin, il ressort que, premièrement, il n'y a aucune trace d'effraction. Deuxièmement, il ne manque rien, sinon un magnétophone Grundig sur lequel Fausto Tinelli enregistrait les entretiens avec les pharmaciens. Encore cette histoire de trafic de drogue, ai-je aussitôt pensé. Tu vas voir que pour finir, ce crétin de Grandini aura raison. J'ai fait mettre l'appartement sous scellé pour vérification ultérieure et j'ai escorté Madame Tinelli jusqu'à un hôtel. Elle n'arrivait pas à réaliser. Il fallait qu'elle donne un sens à tout ce qui s'était passé. À toutes les choses étranges, comme ces mouvements de personnes inconnues dans l'immeuble qui, en janvier, avaient emménagé dans l'appartement du dernier étage. Il y avait une famille là-haut. Puis, un beau jour, ils sont partis et à leur place sont arrivés d'autres gens bizarres, m'a-t-elle dit. Et j'ai minimisé, en disant qu'il s'agissait peut-être d'étudiants en voyage. Puis, vu que sur la porte il n'y avait pas de traces d'effraction, je lui ai demandé qui, à part elle, était en possession des clés de l'appartement. Personne d'autre? Mais il doit y avoir les clés de Fausto. Il les avait ce soir-là. On ne vous a pas rendu les effets personnels de votre fils? Non. Personne ne m'a rien donné. Et Tourri qui vient de me sortir cette histoire des archives où il n'y a plus les effets personnels du jeune homme. Mais qui a bien pu mettre la main dessus, bordel? Et pour quelle raison? Qu'est-ce que je dois faire, commissaire? Me demande Tourri, encore tout ébahi à l'entrée de mon bureau. Rien, Tourri. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rien faire du tout. Mauro. Cette nuit, je me suis réveillé à 4h20. D'un coup, comme ça. Barbara dormait et je ne voulais pas la réveiller. C'est juste que je ne parvenais pas à me rendormir et que je n'avais pas envie de me lever. Je suis resté là, immobile, dans le noir. Et soudain, tout m'a semblé inutile. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je pense découvrir? Je vais me marier et je ne devrais penser à rien d'autre? Mais ensuite, je me suis mis à penser à ce dessin. Le portrait que Fausto a fait de sa petite amie, de Cinzia. Et j'ai imaginé ses mains qui se déplaçaient avec rapidité sur la feuille. Pour la première fois, je l'ai vu comme un jeune réel. Un jeune parmi tant d'autres, en train de faire un dessin et de se mordre la lèvre pour mieux se concentrer. Voilà. Ce matin, à peine réveillé, je savais très bien que tout ça n'est pas inutile. Et je suis donc venu ici, au bar Pirata. J'entre et l'atmosphère se fige. Ils savent qui je suis et tout le monde me fixe en silence. Je fais mine de n'avoir rien remarqué, commande un café, regarde autour de moi et je vois qu'il y a Luca. Mais lui, il évite de croiser mon regard. Je lui demande s'il sait quelque chose sur le meurtre de Casoretto, sur Fausto et Iaio. Il prend son temps, garde le silence en regardant par la fenêtre. Je le tranquillise et je lui dis que je veux juste savoir si la revendication de Rome est crédible. Luca se calme et il me dit qu'il a entendu dire que cette nuit-là, quelqu'un a pris un train pour Rome, celui qui part à 23h30 de la gare centrale. Mio fratello è figlio unico, perché non ha mai trovato il coraggio d'operarsi al fegato. E non ha mai pagato per fare l'amore. E non ha mai vinto un premio aziendale. E non ha mai viaggiato in seconda classe sul rapido Taranto Ancona. Giorgio. Maurizio quitte le coin de la rue et se dirige vers nous. Nous allons aussitôt à sa rencontre. Ils ont changé de chemin, ils sont partis de l'autre côté, nous dit-il. C'est-à-dire, ils ont pris la Via Lambrate. On les suit ? Demande Fabienne. Non, ils ont trop d'avance. On ne peut pas se mettre à courir. Mais ils vont revenir chez eux et ils doivent passer par là. Et il indique un carrefour au bout de la rue. Nous commençons à marcher sur le trottoir désert. Silencieux tous les trois. Nous longeons un mur et déjà on voit, là au carrefour, le marchand de journaux qui est encore ouvert. Et merde. Arrêtons-nous ici, fait Maurizio en regardant sa montre. Il est 8h moins 10. Cette rue est plongée dans le noir et personne ne peut nous voir. J'ai encore le nez qui coule et cette fois je m'essuie avec la manche de mon imperméable. Maurizio fait un pas dans ma direction et je crois un instant qu'il veut me donner un mouchoir en papier. C'est toi qui t'en occupes, me fait-il. Et il me tend le pistolet. Je n'ai pas une hésitation. Je prends le flingue comme si c'était un jouet. Je suis venu ici pour ça. Je sais ce que je dois faire, je le sais bien. Valerio me l'a expliqué l'autre jour au Fungo, à Rome. Il a sorti un pistolet et il m'a montré. Il m'a dit qu'il faut toujours faire comme ça. Et alors je fais comme lui. Je prends dans ma poche un sac en plastique et je glisse ma main dedans avec le pistolet. Je serre l'ouverture du sac autour de mon poignet, je fais un nœud, et je ferme le tout bien comme il faut, comme ça rien ne peut sortir. Soudain, les deux types pointent leur nez de derrière le marchand de journaux et durant un instant, je ne sais pas quoi faire. Puis je me dirige vers eux, mais comme je fais un pas dans leur direction, Maurizio m'arrête. Reste ici. Appelle-les. Hé ! Oh ! Je crie presque, mais ils ne m'entendent pas. Je les appelle de nouveau, et l'un des deux se retourne. Il me regarde. Je ne dis rien. Je mets la main avec le pistolet derrière mon dos et de l'autre, je fais un geste comme pour dire « Viens là ». Il se tourne vers son ami et il lui dit quelque chose, puis il s'approche de nous tous les deux. Moi, je ne pense à rien. Je ne pense pas à nos morts, à Franco, à Mickey. Je pense seulement à moi, à ce que je tiens dans la main. C'est une mission et on ne peut pas s'échapper d'une mission. Tout est écrit. Mauro Brutto. Mardi matin, 9 mai. En l'espace de 20 secondes, tous les téléphones de la rédaction se mettent à sonner. Quelqu'un allume la télévision et nous voyons les images transmises par la RAI. Le corps d'Aldo Moro, sans vie, recroquevillé dans le coffre d'une Renault 4. Nous sommes sans voix. Les brigades rouges ont tué le président de la démocratie chrétienne. Le rédacteur en chef nous a aussitôt réunis. Dès maintenant, toute l'actualité sera centrée sur la seule affaire Moro, nous dit-il. Il veut que nous soyons engagés sur le front de la lutte contre les brigades rouges. Tout le reste passe au second plan. Salve. La chasse à l'homme a commencé. Mon bureau est recouvert de papiers, de dossiers et de circulaires qui me tombent dessus, des tâches que me transmet Grandini et que je dois accepter sans discuter. Il n'y a de temps pour rien désormais, pour rien d'autre qu'Aldo Moro. Nous tous ici, à la Digos, nous sommes en première ligne pour lutter contre les brigades rouges. C'est un peu tard, non ? Moro est déjà mort. Basta, Amélie. Les autres enquêtes passent au second plan. Manque de temps, de moyens, de personnel spécialisé. Je ne veux plus vous entendre parler de vos trucs, de vos pistes, des deux types de Cassoretto. À partir de maintenant, pensons aux Brigades Rouges. Et donc j'ai capitulé, perdu dans mes tâches de commissaire. Il faut dire que nous vivons pour agir, jour après jour. Notre vie est remplie d'inventaires, de devoirs, de choses à faire. Liste de tâches, de personnes à entendre, de chefs à écouter, d'ordres à exécuter. Il ne reste plus rien. Il ne reste pas de temps pour penser. Qu'il ne reste pas de temps pour comprendre ce qui se passe. Il ne reste pas de temps pour creuser dans le passé, dans la réalité de ce pays. Il ne reste pas de temps pour la vie privée, pour les amis. Il ne reste pas de temps pour Sabrina, pour Mara. Et maintenant, il ne reste pas de temps non plus pour Tinelli et Iannucci. Mauro Brutto. Presque 3 mois ont passé depuis la mort de Fausto et Yayo, et je me marie aujourd'hui. C'est bizarre de rester ici dans la rue, sous cette froide pluie de juin, à attendre Barbara pour aller à la mairie. Elle a voulu que je l'attende dans la voiture. Elle a dit que c'était plus juste ainsi, que d'une manière ou d'une autre, je devais quand même l'attendre vu qu'on ne se mariait pas à l'église. Et je suis descendu. 2 jeunes filent à toute vitesse sur une mobylette en affrontant la pluie. Ils ont les cheveux trempés, ils rient tous les deux. Je me retourne instinctivement et je les regarde pendant qu'ils s'éloignent. Ils n'ont pas plus de 17 ans, 18 au maximum. Et celui qui est derrière serre dans ses bras le conducteur du plus fort qu'il peut pour ne pas sentir le froid de la pluie. Pendant un instant, je pense que ce sont Fausto et Yayo, encore vivants, qui se baladent dans Milan avec les cheveux mouillés. Je ne les ai jamais rencontrés avant qu'ils meurent, mais c'est comme ça que je les imagine. En train de rire sous la pluie, sur un cyclomoteur. Angela. Aujourd'hui, Marie est ma compagne. J'y vais tous les samedis et j'aime arriver tôt. Comme ça, j'ai le temps de tout faire. Acheter des fleurs, les mettre dans un vase, dépoussiérer les photos. Je prends toujours des fleurs différentes, colorées. Il aime les choses colorées. La semaine dernière, je lui ai pris des tulipes rouges. Comme elles étaient belles. Elles n'étaient pas toutes encore écloses. Les tulipes me rendent joyeuse. Maman, hier je suis allée à la réunion. Me dit Maria en conduisant. Et moi, je comprends tout de suite qu'elle parle du groupe qu'ils ont fait au Leoncavallo. Des mamans antifascistes qui se retrouvent pour demander justice. Elle sait que je ne veux pas en parler. Mais elle poursuit. Nous organisons un autre sit-in au tribunal. Tu devrais venir, toi aussi. Danila y est toujours. De toute façon, ça ne sert à rien. Et pour tout dire, si tu n'avais pas commencé, toi, avec la politique et les manifestations, ton frère serait sans doute encore en vie. Voilà. Je l'ai dit. Marie a continué de conduire en silence, sans un souffle, sans se retourner. Et elle commence à pleurer, tout doucement. Mais moi, je me sens presque bien. Comme soulagée. Maman, mais qu'est-ce que tu dis, là ? Je dis que ton frère venait au Leoncavallo seulement parce que tu y allais. Et si tu n'y étais jamais allé, peut-être... Je n'arrive pas à terminer la phrase. Et j'explose en larmes. Tout à coup. Je leur ai dit tant de fois, à Lorenzo et à elle aussi, qu'ils ne devaient pas s'en mêler. Qu'on est perdant avec la politique. Que les gens comme nous, certaines choses, on finit toujours par les payer. Chacun doit s'occuper de ses affaires et faire bouillir la marmite. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire, nous, de cette histoire, hein ? Qu'est-ce qu'on a à voir, nous, avec Milan et les grèves, les étudiants, les ouvriers ? Rien. On n'a rien à voir. Nous, on est des gens simples. On n'aurait pas dû venir ici, mon mari et moi, non ? Je le savais qu'on ne devait pas venir. Si ça n'avait pas été pour son travail, nous serions restés là-bas, au village. Il ne se serait rien passé. Non. Il faut que je me calme. Maria ne pleure plus. Elle conduit, et basta. Sous la pluie. Une pluie glacée. Même si nous sommes déjà en juin. Mais ici, c'est le nord. Je respire profondément. Je sèche mes larmes et vois le cimetière qui s'approche. Nous sommes arrivés. Mauro. Nous sommes fin septembre. Tant de temps a passé que j'ai perdu tout espoir. Je ne crois plus désormais qu'on puisse faire la lumière sur le crime du Casoretto. Comme dit la police, une affaire d'homicide où on la résout dans les 15 premiers jours de l'enquête, où cela devient pratiquement impossible. Hier soir, pourtant, il s'est passé quelque chose. À Rome. Toujours à Rome. Un commando de deux tueurs a assassiné hier soir un jeune et en a blessé un autre alors qu'il lisait l'Unita, affiché devant la section communiste d'Alberone, via Appia Nuova. Ivo Zini, chômeur, 24 ans, diplômé depuis peu en sciences politiques, a été mortellement blessé à la poitrine. Vincenzo Di Blasio, 28 ans, a été touché à la jambe. Un troisième jeune, Luciano Ludovisi, a quant à lui échappé au tir. Le crime odieux a été revendiqué hier soir par les NAR. Derrière ce sigle, on trouve un des groupes les plus sanglants du terrorisme fasciste, les noyaux armés révolutionnaires. Les assassins, bien que très jeunes selon les témoignages, ont agi avec un parfait sang-froid, sans hésitation, comme des tueurs professionnels. Les NAR. Quelque chose me passe par la tête, mais je ne parviens pas encore à avoir les idées claires. Je cherche dans le désordre de mon bureau la revendication de l'homicide de Fausto et Yayo. Je mets un peu de temps. Je finis par la trouver. Elle est signée Armée Nationale Révolutionnaire, ANR. Et celui d'hier est signé NAR. Deux sigles qui se ressemblent beaucoup. Tous les deux relèvent de l'extrême droite romaine. Et puis encore, des tueurs professionnels, une action de commando et la victime qui est un militant de gauche. Ivo Zini comme Fausto et Yayo. Je quitte la rédaction sur le champ. Tu le voyais arriver comme ça, avec sa démarche sautillante. Enfin, l'année dernière, je le croisais tous les matins. Et à chaque fois, il me demandait une cigarette. Une sorte d'agitation grandit en moi. C'est comme un de ces maux de ventre qui ne te laisse pas dormir. Je sens ce mal de ventre alors que je tourne en voiture autour du parc Lambro et passe plusieurs fois devant le bar Pirata. Je cherche Luca, mais je ne veux pas entrer dans ce bar. Je lui dis que j'ai lu des choses sur l'homicide de Rome, celui d'Ivo Zini, et qu'il a été revendiqué par les NAR. Je lui demande si l'ANR et les NAR sont des groupes qui sont proches. Luca ne répond pas. Il regarde par la vitre. Et quand il commence à parler, il ne se tourne jamais vers moi. Il ne sait pas ce que sont les NAR ou les ANR, mais il sait qu'à Casoretto, comme à l'Alberone, c'est la même main qui a tiré. Puis il me dit qu'il peut aussi me donner un nom. Mais de toute façon, c'est un nom qui ne vaut rien. Juste une rumeur. Et le nom qu'il me donne est celui de Maurizio Carreri, un fasciste romain né à Milan, qui connaît bien la ville et qui a encore un peu de famille ici. Il a entendu dire, ajoute-t-il, que tout cela a éclaté après Acca Larentia. C'est depuis cette nuit-là que les fascistes ont décidé d'agir. Luca se tourne vers moi, tandis que je conduis. Et il me regarde, pour la première fois depuis qu'il est monté dans la voiture. Avec un ton froid et distant, il me dit qu'à ma place, il poserait quelques questions à la ronde, pour savoir si c'était vrai que Fausto était suivi. Peut-être qu'il y a des personnes qui, les jours précédant l'homicide, ont vu passer ce Maurizio Carreri. Quand Luca descend de la voiture, le mal de ventre est tellement fort que j'en ai envie de vomir. Les terroristes étaient au nombre de 6 et très jeunes. Ils ont attendu longtemps dans un coin sombre, à 20 mètres d'une section du MSI, pour accomplir un horrible attentat. 12 coups tirés dans le tas. Puis les hurlements et le sang. Deux militants du MSI, Franco Bigonzetti, 19 ans, Francesco Ciavatta, âgé d'une vingtaine d'années, ont été assassinés. Un troisième a été blessé. Cela s'est produit en l'espace de quelques secondes via Acca Larentia, au milieu des grands immeubles du quartier Tuscolano. Je range le numéro de l'Unita du début de l'année dans les archives de la rédaction et je cherche s'il y a quelque chose sur Maurizio Carreri. Je trouve une brève du 9 mars, 9 jours avant l'homicide de Fausto et Yayo. La police a découvert l'appartement que Franco Anselmi, l'activiste fasciste romain tué pendant qu'il s'enfuyait de l'armurerie, partagé à Pérouse avec un autre activiste romain, Maurizio Carreri, 20 ans. Durant la perquisition, les agents ont trouvé 5 douilles de calibre 7,65, du matériel de propagande du MSI et de groupes nazis fascistes. Careri vivait à Pérouse avec Franco Anselmi. Le meurtre de Fausto et Yayo est revendiqué par la brigade combattante Franco Anselmi. 10 jours avant le crime du Casoretto, dans la maison d'Anselmi et Careri à Pérouse, on a retrouvé 5 douilles de calibre 7,65. Le pistolet qui a tué Fausto et Yayo est un 7,65. Giorgio. Tu es Fausto Tinelli ? Je demande à celui qui a les cheveux longs. Oui, me fait l'autre. Et je ne leur laisse aucune chance. Rapide, je sors la main et je tire. Boum, boum, boum, 4 coups. Comme si j'avais toujours fait ça. Comme si ma main existait seulement depuis cet instant. Qu'avant ce n'était pas une main, avant elle ne me servait à rien, putain, elle ne me servait qu'à me faire des branlettes. Et maintenant, non. Bien sûr que c'est une vraie main qui s'est tirée. Je le regarde, ce gamin qui n'arrive pas à y croire. Je le fixe dans les yeux tandis qu'il tombe par terre. Et ça se voit qu'il ne sait pas pourquoi j'ai tiré. Qu'il a peur. Qu'il est innocent. L'autre n'a même pas le temps de se retourner et de s'enfuir que je tire encore. Boum, boum, 3 coups. Comme dans les films français en noir et blanc. Les films où il y a même Fabionne. Mais Fabionne qui est dans les films, il est là, derrière moi. Et quand je me retourne, il sourit. On y va, fait Maurizio. Moi, je sors calmement la main du sac plastique. Je laisse dedans le pistolet et les douilles et je fourre le tout dans ma poche. Je me retourne juste un instant. Ils sont tous les deux là, par terre, sur le trottoir et le sang salit tout. Je ne peux pas les regarder. Je commence à marcher et je rejoins Fabio et Maurizio. Tout paraît irréel. Je porte ma main à mon visage, pendant un instant, un geste mécanique pour m'essuyer le nez qui coule encore, et alors l'odeur de la poudre m'arrive tout d'un bloc, comme un coup dans la cervelle. Ma main forte grâce au pistolet, cette odeur virile, métallique, de pouvoir. Je bande. Je sens ma bite contre mon jean, dur comme du marbre qui se déplace au rythme de ma jambe droite et j'ai envie de courir, de hurler, de m'enfuir. Nous débouchons de nouveau via Leoncavallo. À l'angle, le cousin de Fabionne l'attend sur sa moto. Fabionne monte en selle et ils s'éloignent tous les deux sans nous saluer. Maurizio et moi, nous traversons la rue, nous escaladons une grille et nous nous faufilons dans un hangar. Face à nous, il y a le squat. Mais à cette heure-là, il est encore fermé. Maurizio le sait bien et on peut rester ici sans risque. Maintenant, au loin, on entend les premières sirènes de la police. Je m'accroupis par terre, près de lui, dans le noir. Et c'est seulement maintenant que je me rends compte que je ne bande plus. Dehors, les sirènes passent devant nous, via Leoncavallo, elles tournent via Mancinelli et s'éloignent. Puis d'autres sirènes s'approchent. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas peur qu'ils me prennent. « Donne-moi le pistolet », me fait Maurizio. Je mets la main dans ma poche, je prends le sac plastique et je lui donne le tout. Puis Maurizio va vers le bout du hangar et me fait signe de le suivre. J'avance derrière lui, nous escaladons un autre mur et nous nous retrouvons dans une autre rue. De l'autre côté du trottoir, Paolo nous attend avec une Simca blanche. Nous allons à sa rencontre tandis qu'il met le contact. Maurizio monte devant et moi derrière et nous partons en direction de la gare. Paolo roule doucement pour ne pas attirer l'attention. Une voiture de police passe à un carrefour et je me baisse spontanément contre le siège. Mais Paolo ne perd pas son calme et continue de conduire, comme si de rien n'était. En 2 minutes, nous sommes près de la gare. J'enlève mon imperméable blanc, je prends le sac que j'ai laissé dans la Simca quand Paolo nous a accompagnés au Casoretto et je descends devant la gare, seul. Le train part à 11h30 et il ne faut pas qu'on nous voie ensemble, Fabionne et Maurizio et moi. Je me faufile dans un bar, je m'assois à une table et je prends une sambuca. Je me sens si fatigué soudain que je voudrais dormir, m'allonger un moment, m'écrouler de sommeil. Comme un gamin de 5 ans qui s'endort dans la voiture et ne se réveille même pas quand tu le prends dans tes bras pour l'emmener à la maison. Dans le train, je ferme les yeux mais je n'arrive pas à dormir. Je reste éveillé tout le temps, la tête vide et des pensées lointaines qui s'enfuient sans avoir vraiment pris forme. 9 heures de train, dans le noir, avec Fabionne qui tousse à côté de moi et Maurizio qui fume dans le couloir, debout. Nous ne nous disons pas le moindre mot. Je suis seul, comme les lumières des maisons le long de la voie de chemin de fer qui défile dans le noir. Mauro Brutto. Le commissaire Melli n'a pas fait d'histoire. Il m'a regardé, il a senti à quoi il me servait, et il m'a procuré une photo d'identité judiciaire de Maurizio Carreri, sans me poser de questions. Je quitte le Leon Cavallo après avoir montré la photo ici et là, dans le quartier, aux vendeurs de journaux de Via del Casoretto, aux commerçants, aux gérants du petit restaurant en face du Leon Cavallo, aux jeunes du squat. Rien. Personne ne l'a reconnu. Je regarde ma montre et c'est presque l'heure du dîner. Ce soir, nous sommes invités par les parents de Barbara et cette fois, je ne peux pas arriver en retard. Mais avant, je dois passer à la rédaction. Quand j'arrive au journal, une dépêche vient tout juste de tomber. On a tué un type qui, par le passé, a porté atteinte à la sûreté de l'État. Son cadavre a été retrouvé carbonisé dans une voiture aux alentours de Bollate. Le nom de la victime est Luca Agostoni, 28 ans. Putain. Ils ont tué Luca. Je pense à la dernière fois que j'ai vu Luca. À sa tension, à la façon dont il regardait autour de lui par la vitre, comme s'il surveillait la rue, à ce qu'il m'a dit. Je pense que quelqu'un est peut-être au courant. Qu'on nous a peut-être vus. Qu'on l'a tué par ma faute. Je pense que si ils nous ont vraiment vus, alors... Alors... Je cours dans la rue. Je saute dans la voiture avec l'envie d'être déjà rentré chez moi. Je me rends compte seulement maintenant que je transpire alors qu'il fait vraiment froid. Il gèle. Je rentre chez moi et je trouve Barbara qui m'attend prête à sortir. Je lui annonce tout de suite la nouvelle. Elle se fait du souci. Elle me dit que le téléphone a sonné toute la journée. Elle répond et à l'autre bout du fil, il n'y a personne. Ou plutôt, elle comprend qu'il y a quelqu'un, mais qu'il ne dit rien. Écoute pendant quelques secondes avant de raccrocher. Comme les coups de téléphone dans la maison de Fausto. Je pense à cela, alors même que le téléphone se met à sonner. Je me précipite pour répondre, mais on n'entend rien. Juste un clic. Salvo Melli. Depuis ce matin, depuis 11h et quelques, c'est la même nouvelle sur toutes les fréquences de la police. Les carabiniers ont arrêté Azzolini et Mantovani, via Montenevoso. Toute la Digo s'est mobilisée, même si l'opération est entièrement entre les mains des carabiniers. Grandini ressemble à un ours blessé, furieux et abasourdi. Pour un peu, ça m'amuserait de le voir prendre cette nouvelle comme un affront personnel. Les carabiniers qui arrivent avant nous, qui ont plus d'informations, qui travaillent mieux, et qui infligent une défaite aux brigades rouges. Moi, je m'en fous des jeux de pouvoir. Je ne veux pas entrer là-dedans et je me rends via Montenevoso tout seul. Sans agent. Je laisse la voiture dans la rue parallèle, je continue à pied et je tourne via Montelevoso. La rue est pleine de voitures de carabiniers, d'agents qui font des allers-retours en direction d'une porte d'immeuble au numéro 8. Je sens une présence derrière moi. Je me retourne et je vois dans l'immeuble d'en face, au numéro 9, une femme à travers les carreaux d'une fenêtre du premier étage. Exactement en face du repère des brigades rouges. Je la reconnais. C'est Danila Tinelli. Madame, ouvrez, je suis le commissaire Melli, lui dis-je en sonnant à sa porte. Elle m'ouvre, vêtue d'une robe de chambre. Elle ne s'était pas préparée pour recevoir des visites et elle n'attendait personne. Les autres policiers, ils sont arrivés ce matin. Pardonnez-moi cette intrusion, mais il y a quelque temps, vous m'avez parlé d'un appartement ici, dans cet immeuble. Oui, celui du dernier étage. Vous vous rappelez à quelle période les anciens locataires sont partis et quand sont arrivés les nouveaux? Tout ça, ça s'est passé à la mi-janvier, à la fin du mois. Il y avait déjà un va-et-vient de gens bizarres, le soir surtout. Mais vous en êtes sûr? Commissaire, regardez-moi bien. Depuis le 18 mars, je ne pense qu'à une seule chose, à ce qui est arrivé à mon fils. J'ai tout revécu, les trucs bizarres, les petits signes, tout. J'ai reconstitué chaque journée des derniers mois où Fausto était encore en vie, dans les moindres détails. Évidemment que j'en suis sûre. Dans l'appartement de Via Montenevoso, on a retrouvé 7 pistolets de différents types et calibres, avec des centaines de cartouches, des grenades, des mèches, de la poudre, des goupilles, 2 uniformes neufs d'agents de police, 2 gilets pare-balles de fabrication très récente, des masques à gaz et une riche documentation politique, des fiches, des analyses subversives. Ici aussi, comme dans la planque d'Alouni, on a retrouvé quelques dizaines de millions de lire en coupures diverses. La salle de presse de Via della Moscova est pleine de journalistes, de caméras, de micros. Le général Dalla Chiesa a l'air d'être l'homme le plus assuré du monde, tandis qu'il explique étape par étape la découverte du repère. Dans la nuit du 24 juin, on a retrouvé une sacoche dans un autobus au terminus à Florence. Le conducteur, intrigué par le poids, a trouvé un pistolet à l'intérieur et a confié le tout au carabinier. Dans la sacoche, en plus du pistolet qui s'est révélé être un automatique, avec une cartouche déjà engagée dans le canon, on a trouvé un trousseau de clés, une carte de visite où était noté un rendez-vous chez le dentiste, des tracts avec des références aux brigades rouges et la carte grise d'un vélomoteur avec la photocopie de l'acte de vente. Deux de ces indices nous ramènent à Milan. L'adresse du dentiste et celle du revendeur du vélomoteur. Les carabiniers de Florence expédient le tout via della Moscova et Dalla Chiesa confie l'enquête à trois sous-officiers qui partent de l'acte de vente du vélomoteur, sur lequel il y a la signature de l'acheteur. Ils confrontent cette signature à celles qui sont sur les cartes postales de service militaire des brigadistes qui ont été sous les drapeaux, et ils trouvent qu'elle correspond à celle de Lauro Azzolini. Tous les trois se présentent donc chez le dentiste et le revendeur de motos. Le docteur reconnaît en Azzolini un de ses patients sur une photographie d'identité judiciaire. Le concessionnaire Garelli, de Lambrate, en revanche, ne se souvient pas d'Azzolini. Un des vendeurs, cependant, signale au carabinier qu'il a vu le vélomoteur attaché à un réverbère de Via Montenevozzo. Générale. Et aussitôt, tandis que se poursuit la conférence de presse, je commence à trouver ça bizarre. Comment a fait le vendeur pour reconnaître le vélomoteur? Combien de vélomoteurs de marque Garelli circulent dans Milan? De nuit, les carabiniers en civil essaient les clés retrouvées dans la sacoche sur toutes les entrées de Via Montenevozzo, jusqu'à arriver au numéro 8, où la porte s'ouvre. Dans l'immeuble, les trois hommes repèrent un couple de personnes âgées qui semblent fiables et ils sonnent à leur porte en expliquant qu'ils sont en train de mener une enquête sur des dealers. Ils veulent savoir si, par hasard, ils ont remarqué quelque chose d'anormal dans l'immeuble. La femme dit qu'il y a quelques mois, quelques jeunes ont emménagé dans un appartement au premier étage et qu'ils ont apporté de vieux meubles, beaucoup de papiers et des documents. Les carabiniers comprennent aussitôt que ça pourrait être les brigadistes et pour en avoir confirmation, ils établissent un poste d'observation dans un appartement de l'immeuble d'en face au numéro 9. Ça s'est passé quand ? Demande quelqu'un dans la foule des journalistes. Le général cherche dans la salle d'où vient la question. Je suis son regard, tourne la tête et vois Mauro Brutto, qui fixe Dalla Chiesa, prêt à noter sa réponse. Le général laisse échapper un demi-sourire ironique. Puis il continue, sans plus regarder Brutto. Le poste d'observation a été mis en place fin juillet et nous les avons espionnés jusqu'à la fin septembre, en photographiant les entrées et les sorties. Dalla Chiesa continue son compte-rendu détaillé. Photos des terroristes, filatures d'Azzolini, découverte des autres repères. Moi, pourtant, c'est à autre chose que je pense maintenant. Je suis perdu dans mes questions, questions qui semblent devoir rester sans réponse. Les carabiniers avaient un poste d'observation dans l'immeuble de la famille Tinelli. Les brigades rouges étaient espionnées depuis l'appartement au dernier étage. Danila Tinelli dit pourtant que cet appartement était occupé depuis janvier. Mais est-il possible que les carabiniers ou les services secrets espionnent les brigades rouges depuis tellement de temps? Et s'ils les espionnent depuis janvier, comment pouvait-il ignorer que les brigadistes étaient en train d'organiser l'enlèvement d'Aldo Moro? Et pourquoi ne sont-ils pas intervenus au moment où il était tenu en otage? Mais peut-être que c'est Danila Tinelli qui se trompe, qui s'embrouille, porté plus par sa souffrance que par son objectivité. Les gens voient des complots partout quand ils ne parviennent pas à surmonter une douleur. Pourtant, maintenant que j'y pense, La première fois que Daniela Tinelli m'a parlé de ces étranges mouvements dans l'immeuble, c'était avant juillet. C'était à la fin mars et Fausto Tinelli venait d'être enterré. Sauf que... Si c'est elle qui a raison, qu'est-ce que ces deux jeunes ont à voir avec tout ça? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Est-il possible que Fausto Tinelli ait vu ou entendu quelque chose qu'il ne devait pas voir ou entendre et que Lorenzo Iannucci ait été tué parce qu'il s'est trouvé à côté de son ami au mauvais moment? Et dans ce cas, qu'est-ce que l'extrême droite romaine vient faire là-dedans? Non, c'était pas un leader, c'était juste un camarade. Un camarade qui intervenait un peu dans les classes, un camarade qui vivait sa marginalité comme les autres. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai continué à prendre des notes sur la table de la cuisine jusqu'à 5 heures du matin. Je n'arrivais plus à réfléchir. Alors j'ai pris un bain. Le bruit de l'eau dans la baignoire m'a calmé et a réveillé Mara. Salvo, qu'est-ce que tu fais ? Elle a posé sa main sur mes épaules et a commencé à me masser le dos. Allez, sèche-toi, viens te coucher. Je l'ai regardée, je lui ai souri, je l'ai prise par un bras et je l'ai entraînée dans la baignoire avec sa chemise de nuit. Mais t'es fou ! Mais ça se voyait que ça lui plaisait, qu'elle s'amusait, que soudain c'était comme revenir à notre jeunesse quand nous étions seuls et qu'il n'y avait pas encore Sabrina. Pourquoi nous avons perdu tout cela ? Je n'arrive plus à dormir. La nuit, je me retourne dans mon lit en essayant de ne pas réveiller Barbara. Je pense à Luca, à ce qui lui est arrivé, au coup de téléphone anonyme qui continue d'arriver. J'ai peur, et plus j'y pense, et plus la peur augmente. Mais je ne me suis pas rendu. Désormais, je ne peux plus reculer. Ainsi, j'attends les camarades de classe de Fausto à la sortie du lycée. Je m'approche d'eux et je me présente. Il y a une fille que je crois connaître, mais je ne parviens pas à me rappeler où je l'ai vue. Mais si, bien sûr. C'est la fille du portrait fait par Fausto. Ce doit être elle. Je lui demande si elle s'appelle Cinzia et elle demeure surprise un instant. Elle me demande si nous nous connaissons. Je ne sais pas quoi lui dire. D'autres jeunes m'entourent. Et je leur explique que Danila, la mère de Fausto, m'a raconté que son fils avait l'impression d'être suivi. Cinzia me dit aussitôt que c'est vrai. Il lui avait confié avoir vu plusieurs fois la même voiture, une Simca blanche. Je sors de mon sac la photo de Carreri et je la montre aux jeunes. Je veux savoir si quelqu'un a vu traîner ce type autour de l'école, dans les journées qui ont précédé la mort de Fausto. Les lycéens se la passent de main en main. Ils l'observent, commentent, secouent la tête. Personne ne le reconnaît. Une fille, pourtant, me raconte que le lundi précédant l'homicide, elle était entrée à la deuxième heure de cours et sur le trottoir, il y avait un type qui l'a arrêté et a commencé à lui poser plein de questions sur Fausto. S'ils étaient dans la même classe, si elle connaissait son adresse, s'ils avaient déjà séché des cours ensemble. Je lui montre la photo de Carreri et je lui demande si elle le reconnaît. Elle y réfléchit un instant, l'observe bien, puis lève les yeux vers moi. « Oui, c'est lui », me dit-elle. Alors tout est vrai, putain. Ce Carreri y est vraiment pour quelque chose, je commence à penser, pendant que je tourne au coin de la rue et que je marche vers ma voiture. Et maintenant ? Maintenant que je suis sur la bonne voie, qu'est-ce que je fais ? Je dois voir le commissaire Mélie. Derrière moi, un brusque bruit de voiture. Je me retourne. Il y a une Simca 1100 blanche qui avance à toute allure. Je vois s'ouvrir la vitre du passager et pointer un pistolet. Je sais qu'il me recherche. Je me jette à terre tandis que trois coups de pistolet résonnent dans la rue. Je rampe sur le trottoir et je me cache derrière une voiture garée. Tout se passe si rapidement que je ne peux pas avoir peur. C'est la première fois depuis des jours que je n'ai pas peur. J'entends que la Simca ne s'arrête pas. Elle continue à filer sur la route et le bruit du moteur s'éloigne. Je reste par terre. Je m'appuie contre la roue de la voiture et je retiens mon souffle. Qu'est-ce que je ferais si je savais que je devais mourir demain ? Je ne sais pas. Rien de particulier. Installez-vous, je vous en prie. Grandini me fait entrer avec ce sourire de hyène sur les lèvres qui ne promet rien de bon. Aujourd'hui plus que d'habitude. Est-ce que j'aurais fait quelque chose de mal? J'ai exagéré peut-être. Je n'aurais pas dû ressortir cette histoire de Tinelli à Iannucci. Je n'aurais pas dû lui demander d'accéder officiellement aux documents des carabiniers sur Via Montenevoso. Bon, patience. Commissaire Melli, votre visite me fait grand plaisir. Et je tiens à me féliciter pour vous. Mais qu'est-ce qu'il raconte, putain? Depuis que vous êtes entré à la Digos, vous vous êtes toujours distingué comme un des hommes les plus qualifiés. Et c'est pour cela que je vous félicite pour votre promotion. Promotion? Quel genre de promotion? Vous êtes nommé commissaire divisionnaire de la Digos à Teramo. Ils m'ont bien entubé. Eh bien, vous n'êtes pas content? Vous savez, monsieur Grandini, je pense que ce sera un traumatisme pour ma famille. Je suis ici depuis 20 ans, ma fille est née à Milan. Il se lève et coupe court. Il me tend une main que je serre, une autre main moite. Vous verrez que vous allez vous faire tout de suite à Teramo. Bonne chance. Je rentre agité à la maison et je hurle à Barbara de faire ses valises. Elle ne comprend pas mon angoisse et elle prend peur. Elle veut savoir ce qui s'est passé, mais je ne peux rien lui dire. Je lui dis de prendre rapidement le strict nécessaire. Rien. Barbara est paralysée. Je cours à travers la maison sans réfléchir. C'est moi qui prends ses affaires. Je prends deux robes dans l'armoire. Dans la salle de bain, je rassemble brosse à dents, crème, rasoir, une serviette encore humide. Barbara, presque désespérée, me demande où nous devons aller. Je lui dis que je ne sais pas. Elle doit avoir confiance en moi. En voiture, je file à toute vitesse et mon regard tombe sans arrêt sur le petit miroir du rétroviseur. Je cherche la Simca blanche, mais je n'ai pas l'impression de la voir dans la circulation de cet après-midi. Barbara me regarde, terrorisée. Je ne peux rien lui dire. J'arrête la voiture devant la porte de ses parents et elle me demande pourquoi je ne me gare pas. Je lui dis de descendre, que je dois faire encore une chose et que je la retrouverai plus tard. Demain, peut-être, nous partons pour Paris. Je ne sais pas, en Suisse, où elle veut. Elle éclate en sanglots et me supplie de monter avec elle. Elle me serre dans ses bras. Fort. Fort. Comme si elle ne voulait pas me laisser partir. Je l'embrasse. Je sens sur ses lèvres le goût salé de ses larmes et je lui murmure que nous allons bientôt nous retrouver. Très bientôt. Barbara descend de la voiture. Je l'observe, de dos, qui appelle à l'interphone et passe la porte d'entrée. Une fois à l'intérieur, elle se retourne vers moi et me salue, à travers la vitre, avec un geste de la main. Et je repars. J'arrive au commissariat avec la même angoisse et la même peur que lorsque j'ai connu Barbara, quand j'ai dû lui dire que j'étais tombé amoureux d'elle et que je ne savais pas comment elle allait réagir. Je cherche Milly avec l'angoisse qu'on éprouve quand il en va de notre vie. Mais le commissaire n'est pas là. Je suis passé à la rédaction avant de venir ici, et j'ai tout écrit. Ce n'est pas un article, non. Je ne peux pas publier ce truc. J'ai écrit un dossier pour Salvo Melli, mais un de ses agents me dit que le commissaire a été muté. Durant un instant, je ne sais pas quoi faire. Avec qui parler maintenant? Qui va pouvoir m'aider désormais? Le jeune policier me demande s'il peut faire quelque chose pour moi. Je lui explique que je devais voir le commissaire pour lui parler, lui laisser un dossier. Et lui, il me propose de le lui donner. Il le lui fera parvenir d'une manière ou d'une autre. Non. Non, je peux pas te le laisser à toi, ce dossier. Tu n'as rien à voir avec cette histoire, me mets-je à penser en secouant la tête. Je lui demande s'il peut me dire où il a été muté. Teramo. Putain. J'ai une idée. Quand je sors du commissariat, je ne tiens plus debout. C'est la fatigue mêlée à l'angoisse, mêlée à la peur. Je sens ce vide au creux de l'estomac qui grandit et m'absorbe. Absorbe toutes mes énergies, toutes mes pensées. L'absence de Milly est comme un refus auquel il n'y a aucun remède. Je quitte Via Fate Bene Fratelli et me rends en voiture vers Porta Nuova. Je file à toute vitesse dans la circulation du soir. C'est tout ce que j'ai trouvé pour ne pas penser. Mais ce que je dois faire est bien clair dans mon esprit, comme une liste de courses. Une série de points sans caractère particulier qui ne laissent aucune place à la réflexion. C'est comme ça, et puis c'est tout. je dois aller à la poste et envoyer le dossier au commissaire Melly, dans son nouveau bureau de Terramo. Mais nous sommes samedi et la poste est fermée. Je traverse Via Le Marche et je prends Via Mura. Il y a un tabac ouvert de l'autre côté de la rue. Je laisse la voiture en double file, je traverse et entre dans le magasin. J'achète deux paquets de gauloises et une enveloppe, une grande, dans laquelle je peux glisser le dossier. Je cherche un stylo dans mon sac. J'allume aussitôt une cigarette, tandis que j'écris sur l'enveloppe « Commissariat de Terramo » et le nom du commissaire. Je glisse le tout dedans, ferme l'enveloppe et sors du bureau de tabac. Je suis sur le point de traverser la rue avec le dossier dans une main et la cigarette dans l'autre. La nicotine apaise mon angoisse. Rien ne vient sur la droite. Quelques pas et je m'arrête au milieu de la rue. Sur la gauche, je vois venir une Fiat 127 rouge. J'attends qu'elle soit passée, mais dans l'autre sens, maintenant, une voiture s'approche à toute vitesse. C'est la Simca 1100 blanche et on dirait qu'elle me vise. Je n'ai pas le temps de réfléchir. J'essaie de me déplacer et de rejoindre ma voiture garée en double file avant que ne passe la Fiat et que la Simca ne me renverse. Je traverse d'un coup et je fixe le conducteur de la Fiat 127. Allez, allez, allez, arrête-toi. Mais il est surpris par ce mouvement soudain et il n'arrive pas à freiner à temps. Il me regarde désespéré un instant avant de me renverser, heurtant ma jambe gauche. Violemment. Je tombe sur l'asphalte, sans hurler. Je suis étendu au milieu de la rue et je ne sens plus mes jambes. Depuis le sol, je me retourne vers la Simca juste avant qu'elle ne me roule dessus. Je ferme les yeux. Et je sens mon cœur qui éclate. Une piqûre dans l'estomac. L'air qui monte d'un coup dans ma gorge. Comme si le vide au centre de l'estomac que je ressentais auparavant allait soudain exploser. Je vois Barbara. La mer, en Ligurie. Il fait nuit et nous sommes sur la plage. Nous nous embrassons. C'est notre premier baiser, il y a 8 ans, et je ne lui ai pas encore dit combien je l'aime. Je rouvre les yeux. Il y a plein de gens autour de moi. Il y a le conducteur de la Fiat 127. Durant un instant, depuis l'asphalte, je vois l'image inversée de la Simca qui s'enfuit, à toute allure. Je vois quelqu'un qui prend mon dossier, l'enveloppe blanche. J'essaie d'ouvrir la bouche, mais rien ne sort. Il n'y a plus rien. Je vois encore quelques jambes, un visage, une main qui recouvre une bouche, une voiture qui passe, comme s'il n'y avait plus de gravité. Comme si elle pouvait filer ainsi. Sans dessus-dessous. C'est le monde à l'envers. Puis je ne vois plus rien. Sabrina ne m'a pas adressé la parole pendant 1 an. « C'est quoi cet endroit de merde ?» m'a-t-elle dit 1 heure après notre arrivée à Terramo. Elle a dit aussi qu'elle finissait sa dernière année de lycée et qu'elle rentrait chez elle, à Milan, pour aller à l'université. Puis elle n'a plus rien dit. Elle a fini le lycée et elle est entrée à l'université, mais finalement, elle a décidé d'aller à Rome. Pour Mara, s'acclimater a été un peu plus simple. Et après quelque temps, elle a même fini par dire que Terramo lui plaisait, qu'elle s'y trouvait bien. « Qui aurait pu l'imaginer ?» a-t-elle ajouté. « Et en effet, on est bien à Terramo. Tout est plus simple. Le travail est plus simple. » Les gens sont plus simples. Quand je rentre à la maison le soir, je ne suis plus obligé de faire des rondes autour de l'immeuble. Il n'y en a pas besoin. Et puis, même avec Sabrina, les choses se sont bien passées. C'était amusant de ne pas parler. Après 1 mois, c'était devenu un jeu, comme lorsqu'elle était petite et qu'il fallait tenir le plus longtemps sans rigoler. Voilà. Oui. Ça s'est passé comme ça. 1 an sans parler, c'était comme parler beaucoup comparé à 1000 ans. Merde! Je me suis laissé distraire. Je dois aller pisser et j'ai raté la sortie du restaurant. C'est que la circulation est devenue fluide soudain et j'ai été emporté par le flux des voitures et des pensées. Combien de temps encore avant le prochain restaurant? Ah, je dois me souvenir aussi d'acheter la Scamorza, parce que tout était fermé à Termoli. Mara dit que là-bas, dans le sud, à Rodigarganico, elles ne sont pas aussi bonnes que dans les Abruzzes. C'est devenu une obsession désormais. Même en vacances, elle ne peut plus se passer de la Scamorza des Abruzzes. Mais le prochain Estoroute est encore dans les Abruzzes ? Hier, Touri m'a appelé depuis Milan. Commissaire, mais vous êtes encore au travail avec cette chaleur ? Je pars en vacances demain. Et toi, qu'est-ce que tu fais encore à Milan ? Ah, commissaire, depuis que vous êtes parti, moi ici, je suis devenu la dernière roue du carrosse. Et puis de but en blanc, il m'a demandé si j'avais eu des nouvelles de la Via Mancinelli. Je ne savais pas quoi lui dire. En effet, je n'ai plus pensé à Iannucci et Tinelli. Je n'ai pas eu le temps. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a un an, plus ou moins à cette période, un commissaire de Rome m'a appelé, parce qu'il avait su qu'au début, c'était moi qui avais mené l'enquête. Le fait est qu'à la fin juillet de l'année dernière, deux jeunes de Bénévent ont été agressés à Rome par deux néofascistes. Les jeunes, qui ont fini à l'hôpital, ont reconnu sur une photo d'identité un des agresseurs, un certain Fabio Sarpi, dit Fabione. La Digos a décidé d'arrêter le néofasciste, et durant la perquisition de son logement, on a trouvé du matériel sur Fausto Tinelli et Lorenzo Iannucci, des photos des deux jeunes et des photos de leurs funérailles. Radio Raiuno, édition spéciale. Bonjour, au micro Duccio Guido. Une violente explosion a fait s'écrouler une partie de la gare centrale de Bologne. Il y a des morts et des blessés. Voilà ce que nous apprend la première dépêche reçue à la rédaction. La déflagration, continue l'agence de presse ANSA, d'une puissance énorme, a fait s'écrouler un tronçon du bâtiment d'environ 50 mètres de longueur. Le bâtiment s'est écroulé à 90%, ensevelissant des dizaines de personnes. J'allume une cigarette. C'est en arrivant à Teramo que j'ai recommencé à fumer. Mara ne voulait pas et elle a essayé de me faire arrêter de nouveau, mais cette fois je n'ai pas suivi son conseil. Je tire deux longues bouffées sur ma cigarette pour ne pas y penser. Putain. La gare de Bologne devait être pleine de gens un samedi matin. La joie de ceux qui partaient en vacances, la chaleur, l'envie d'aller au bord de la mer, de revoir les amis, les parents, de prendre un peu congé de la vie de ce pays, de tous les sales trucs qui arrivent ici. Ouais. En vacances, sans penser à ça. Sans penser à rien. Je ne veux plus écouter et j'éteins la radio. Mais dans mon élan, ma cigarette tombe sur le tapis de sol, sous mes pieds. Je me baisse pour la ramasser, rapidement, avant qu'elle ne brûle quelque chose, en essayant de garder un œil sur la route. Mais où est-elle passée ? Je regarde en bas et je la vois. Je la prends. Putain, elle a fait un trou dans le tapis. Je me redresse et devant moi, il y a un camion. Je vais lui rentrer dedans. Il vient de sortir de la bretelle et je ne l'ai pas vu à temps. Je freine, j'appuie le pied sur la pédale à fond. Mais il est trop tard. Je finis contre lui. Le pare-choc de la voiture passe sous le train arrière du camion. Le pare-brise éclate en mille morceaux. Je ferme les yeux et je sens une pluie de verre qui s'abat sur moi. J'entends le bruit du métal qui se plie, sourd comme le bruit de toutes les choses que je n'ai pas faites et que j'aurais pu faire. Je sens la tôle de ma voiture qui se tord sous le poids du camion et entre dans mon ventre, dans mes jambes, dans mes bras, devient ma nouvelle et dernière chair. Je sens le goût du sang et du métal. Giorgio. Il fait sombre ici. Les volets sont descendus jusqu'en bas, ils ne font pas entrer ne serait-ce qu'un filet d'air. Dehors, ils doivent penser qu'il n'y a personne. Carla, pour ne pas attirer l'attention, me porte à manger la nuit. Je suis ici depuis presque 20 jours, depuis le lendemain de la finale du mondial, et là j'en ai vraiment plein le cul. C'est comme si j'étais mort. Je ne peux rien faire. Pas de radio, pas de télévision, pas de musique, pas de lumière allumée. Je dois même faire attention à la chasse d'eau. Je ne peux que lire et dormir. Dormir et lire. Et manger, boire, chier. Parfois, je me gratte. La nuit, dans l'obscurité, je m'approche de la fenêtre et je me mets à écouter le bruit de la rue. Mais nous sommes en août et Bologne est déserte. On se croirait à prima porta. Et d'ailleurs, cet appartement ressemble à une niche dans un cimetière. Il ne manque plus qu'on mette ma photo sur la porte, comme sur une pierre tombale. Il y a 2 ans aussi, c'était comme ça. Je crois même qu'il faisait plus chaud. Ou peut-être que c'était l'excitation et la peur de ce que nous devions faire qui me faisaient suer. La nuit d'avant, nous l'avons passé ici et je n'ai pas fermé l'œil. J'ai fumé cigarette sur cigarette jusqu'à 5h du matin. 2 années et on dirait 1 siècle. Mais maintenant j'en ai marre de rester seul et pour me distraire, je me promène dans la maison. Je passe de pièce en pièce, comme si chaque pièce était un endroit différent. Voilà, celle-là, c'est la plage de Capocotta et je suis avec Laura, à 18 ans. Nous sommes en mai, il n'y a personne. Laura veut aller se baigner, je n'en ai pas envie mais elle insiste et se déshabille. Je me déshabille moi aussi. Elle court dans l'eau et je la suis. Oh putain, ce qu'elle est froide. Et elle, cette conne, elle m'éclabousse. Et elle rit. Elle rit. Elle rit. Voilà. Cette autre pièce, c'est le cimetière de Predapio. J'ai 16 ans et Fabione m'a emmené ici à moto. C'est la première fois que je viens et je ne me l'imaginais pas comme ça. Enfin, disons que je ne me l'imaginais pas du tout. Au fond, j'en avais rien à foutre de voir la tombe du Duce. Je suis plutôt venu pour faire une balade à moto, pour passer un dimanche avec mon ami. Mais maintenant que je suis ici, bah ça me fait vraiment de l'effet. Un bruit soudain. Comme une porte qu'on enfonce. Merde, qu'est-ce que c'est ? Je me jette sur le matelas et je prends le pistolet sous le coussin. Je me glisse dans un coin, mais de toute façon, ici, on ne peut pas se cacher. Maintenant, on n'entend plus rien. Ils sont entrés pour de vrai ? Peut-être que je me suis trompé. Peut-être que le bruit venait d'au-dessus. Allez, j'arrête mes conneries. Je sais qu'ils sont là pour moi, qu'ils sont venus me choper. Et moi, je suis prêt. Allez. Vous attendez quoi ? Un rayon de lumière entre dans la chambre. Une torche qui se ferait un passage dans l'obscurité. Je tire. Boum, boum. 3 coups et le porteur de torche tombe par terre. C'est un policier. Quelqu'un nous a balancés. La torche roule sur le sol et éclaire d'autres policiers armés de mitraillettes. Ils font feu. Je sens tous ces petits bouts de métal qui entrent dans ma chair. Je les sens entrer un par un. Comme si entre chaque choc s'écoulait un moment bien distinct. Bras droit, jambe gauche, ventre, encore jambe, et bras, bras, bras, poitrine, estomac, cou, épaule, bras, cou, poitrine, front. Je revois ces 2 gamins du Casoletto que j'ai tués il y a plus de 4 ans. Qui sait pourquoi ce sont eux qui me viennent à l'esprit ? J'ai tué tant d'autres personnes entre-temps, mais maintenant je les vois vraiment tous les deux qui viennent à ma rencontre dans cette rue sombre. Je pose une question et l'un des deux me répond, en souriant presque. Il me dit « C'est moi ». Je souris moi aussi. Puis je ne vois plus rien. C'est moi. Angela. Je ne dors pas. Je ne dors plus. Je ferme les yeux pendant quelques minutes, mais ce n'est pas dormir. Comme il est fin, le sable de cette plage. Si fin qu'il pénètre dans ta peau. Ce soir, je te lave. Allez. Je te donne le bain dans la petite bassine et peut-être que je t'aspergerai de partout pour te faire rire. Je te lave pour enlever le sable blanc. Je te l'enlève d'entre les doigts de pied. Et puis je te chatouille, comme l'année dernière à la maison de mamie, tu te souviens ? Quand on jouait sur le lit et que tu riais, et tu n'arrivais presque pas à respirer à cause de ces rires ? Mon Lorenzo, ce que tu peux être beau quand tu ris, ris toujours, je t'en prie. Ris. Ris. Je rouvre les yeux et le monde que je vois ne me plaît pas. Je ne le reconnais plus. Ce n'est pas mon monde, ce n'est pas ma maison. Je ne peux pas vivre comme ça. Mon mari m'aide comme il peut. Il est à mes côtés, mais de toute façon, maintenant, lui et moi, qu'est-ce qu'on a à se dire ? Maria m'aime bien, je sais. Et ça lui fait de la peine, vraiment. Sauf que chaque fois que nous parlons, nous finissons par nous disputer. Et alors je préfère rester seule. Fermer les yeux. Et ne pas regarder. Ne plus regarder. Oh, quelle belle jeune fille. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, avec quelqu'un comme lui, hein? Allez, allez, raconte-moi tout. On y va. Asseyez-vous ici, à côté de moi. Et parlez-moi de l'Inde. Comme tu as maigri, mon fils. Mais que c'est beau de te revoir. Je vous fais à manger. Les fettuccini al ragout. Faites maison, ça vous va? Vous avez bien fait de tout quitter et de partir. Là-bas, en Inde. Plus de Léon Cavallo, plus de politique, plus d'Italie. Si j'avais été plus jeune, je serais venue, moi aussi. Je ne dors plus. Je ne pense plus. Je n'espère plus. Et peu à peu, je me laisse aller. C'est un peu comme mourir. C'était Viva l'Italia de Roberto Scarpetti, traduit de l'italien par Olivier Favier, avec Thibaut Mulot, Fausto Tinelli, Guillaume Marquet, Mauro Brutto, Bruno Pavio, commissaire Salvo Melli, Evelyne Guimara, Angela Iannucci, Jonas Marmi, Giorgio, Olivier Clavery, Grandini, Marie-Bénédicte Roy, Danila Tinelli, Slimane Yevsa, Paolo Sacchi, Manon Leroy, Mara Melli, Donatien Guillot, Turri, Arnaud Bédouet, Général de la Chiesa, Leslie Menahem, Maria Iannucci et Salima Drider, Louise Muller, Fosco Perinti, Mirène Astré, Gaël Zax, Elodie Hubert, Jean-Yves Chilot, Clémence Bûcher, Frédéric Feliciano, Yana Bitnerova, Sébastien Faglin, Mélodie Horu. Accord de guitare, Nicolas L. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Bruitage, Sophie Bissantz. Équipe de réalisation, Claire Levasseur, Sacha Tropp, Félix Levaché, Jean-Mathieu Zande.